Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. C'est Evans, c'est la tribu pour démarrer cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin. Bonjour à vous les doudous. Dans un instant, il y aura le son d'Imani. Et il est 6h sur Fun Radio. Bienvenue. Fun. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Bon réveil et bon lundi tout le monde sur Fun Radio, il est 6h01, les infos et la météo de ce jour, c'est avec Jean-François, salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous, un train de voyageurs a percuté un train de marchandises circulant sur la même voie hier soir vers 23h à Hermal-sous-Huy, une commune située entre Huy et Flémalle en province de Liège. Ce sont principalement des étudiants qui regagnaient Liège qui étaient dans ce train. Le train de voyageurs roulait à 90 km/h environ quand il a rattrapé un convoi de marchandises qu'il précédait sur la voie et l'a percuté par l'arrière alors qu'il était à l'arrêt. Sous le choc, deux des six voitures ont déraillé et se sont couchées sur les voies. Le train de marchandises ne transportait aucune matière dangereuse. Le premier bilan est très lourd, il fait état de 3 morts et d'une 40aine de blessés. Les bus ne circulent pas ce matin dans les régions de Tournai de Charleroi. À l'appel de la CGSP, des pneus ont été déposés à l'entrée des dépôts pour empêcher les bus de circuler. Certaines perturbations sont à craindre dans le Hainaut aujourd'hui, alors que la circulation devrait se dérouler normalement dans le Brabant Wallon et en province de Namur. Les trains circulent quant à eux de nouveau normalement. Autre mouvement de colère, celui des transporteurs, qui devrait bloquer aujourd'hui l'ensemble des postes frontières, toujours concernant l'instauration de la taxe au kilomètre. Suite aux fortes précipitations qui ont touché hier le Condroitois, de nombreuses coulées de boue et de gravier ont été constatées dans les entités de Comblain-au-Pont et Amoire. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation. Sur le territoire de la commune d'Amoire, quelques maisons ont été inondées. Des violents orages ont provoqué les débordements de l'Aisne, entraînant également des inondations dans la région des Rezés. La province d'Anvers a aussi été touchée, tout comme la région de Chimay. Des perturbations ont également été notées sur le réseau ferroviaire en raison de ces inondations et des coulées de boue. En sport, après son succès en Suisse et son partage mercredi dernier face à la Finlande, la Belgique n'a pas vraiment rassuré ses supporters à quelques jours du début de l'Euro. Les Diables, rapidement mis sur orbite par un but de Lukaku, ont ensuite peiné à faire la différence hier face à la Norvège, qui a égalisé et qui a même réussi à mener à la marque en début de seconde période. C'est finalement grâce à Eden Hazard et au revenant Laurent Simon que les Diables se sont imposés 3-2. Demain, ils prennent l'avion en la direction de Bordeaux, où ils établiront leur camp de base avant leur entrée dans le tournoi prévu lundi prochain face à l'Italie. Et puis un mot enfin pour vous dire que le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a remporté les Internationaux de France à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Il a pris la mesure en 4-7 du Britannique Andy Murray hier en finale à Paris au bout de 3h05 de jeu. Djokovic a remporté 12 tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie à 6 reprises, Wimbledon à 3 occasions et 2 fois l'US Open. C'est aussi son 65e titre de sa carrière. Fun Radio. Maintenant dans les stations Qwest avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Qwest. Avant d'écouter Imani, avant de dire bonjour à tout le monde, toute la tribu qui s'installe autour de la table, on va faire un point sur la météo. Alors on avait promis la semaine dernière, promis entre parenthèses, que ça allait s'améliorer pour cette semaine. Est-ce que ça se confirme ou pas, Jean-François? Je bois tes paroles. Eh bien des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses malheureusement sont annoncées principalement sur l'intérieur du pays dans l'après-midi et la soirée. Les maxima de température se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et même 28 degrés ailleurs. Le temps va rester très orageux avec des périodes ensoleillées qui vont alterner et les averses dans les prochains jours et seulement un temps plus sec à partir vraiment de jeudi. Donc il faut encore être un peu patient. Ouais. D'accord. Merci. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos et tout de suite, moi aussi, Evan. Tout de suite, Imani sur Fun Radio. J'ai eu peur que tu sois insensible à un moment. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat? The sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. 6h08 sur Fun Radio. Bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu. On est ensemble jusqu'à 9h et on se réveille en chantant le générique ce matin. C'est parti. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, une bande de décodeurs. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h. Eh ben, et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Ah bah le boulot! Bonjour les amours, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Sandro est à la réa, bonjour mon Sandro. Bonjour. Est-ce que c'est normal que dans notre casque on entend plus les voix de Jean-François et de Khalid que les voix du générique et des chanteurs qu'on a payé si cher pour faire un générique? Ben c'est ce que je me demandais en fait, je découvre. En fait on a changé de table de mixage, comme ça je préviens les auditeurs. Ça va être un peu dur aujourd'hui hein. Il a un nouveau jouet. Voilà, c'est voilà. Ça. C'est comme si Djokovic il avait changé sa raquette. Et ben pour Sandro, c'est voilà, c'est une balle de baseball. Sa table de mixage. Non, mais ça, et ça coûte une blinde en plus. Hein. Tu sais que la table de mixage, alors la table de mixage, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, d'envoyer les sons, de monter, de baisser le micro, par exemple. Lorsque Sandro veut agir sur ma voix, par exemple sur mon micro, s'il baisse ma tranche, bah, vous allez entendre pendant que je parle. Ah, vous allez entendre ma voix qui part et qui revient. Vas-y, amuse-toi avec. Comme ça, c'est. Oh, voilà. On à quoi ça sert. Et donc voilà, tout simplement, c'est ça. Une table de mixage, ça sert à envoyer tous les sons qu'on vous envoie dans les oreilles le matin, la journée, le soir, 24h sur 24. Bon, on va en revenir dans un instant, on va y revenir sur cette table de mixage, hein, toute nouvelle, toute belle, toute chère également, hein, qu'on aura fait avec nos salaires. Justine est là, bonjour ma Juju. Hello. Comment ça va ce matin? Eh bien, aujourd'hui, particulièrement bien, et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. C'est le tout de début... suite alors... Non, c'est le début du ramadan. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Khalid, il pourra plus être le premier à bouffer toutes les coupes, et ça me rend heureux. Et tu veux que je te dise, le pire, c'est que demain, il y a une auditrice qui en ramène, donc moi, je suis dégoûté. C'est tellement bien fait pour ta gueule. Pourtant, j'ai mis la pression sur Facebook, reviens avant, et non, et voilà, foutu. Alors, ça veut dire que, alors, attends, donc, c'est le tariq ramadan, là, qui commence, et donc, tu peux commencer à manger à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure, qu'on voit à peu près les horaires? Aujourd'hui, je pense, la rupture du jeûne se fait, donc le coucher du soleil, se fait à 21h54. Oui, oui, oui. Voilà, il va être tendu à 21h53. Donc là, tu manges rien et tu bois rien du tout. Absolument, à part ma salive évidemment, on n'est pas des sauvages hein, et oh. Le mec il va faire 3 heures de radio, il va terminer à 9h, il a rien bouffé, rien bu, il doit tenir jusqu'à 21h54. Par contre, moi je compte pas les heures de sieste sur la journée hein. Ah bah ça va alors, c'est là que je suis content d'être bouddhiste moi les gars hein. Parce que ok, avec la robe j'ai l'air ridicule, mais au moins je peux bouffer. Donc ça c'est quand même important. Bon, donc je salue Khalid qui est là, spécial ramadan aujourd'hui. Du son dance floor et du ramadan toute la journée. Et on avait dit qu'on offrirait la rupture du jeûne. C'est quoi les OP spéciales qu'on avait dit qu'on ferait déjà? C'est je sais plus. Dans une boulangerie marocaine, tu vois, une soupe avec une date. Tu vois. Fun Radio vous offre la rupture du jeûne à 21h54. C'est ce soir du son dance floor et de la rupture du jeûne. Bon, on y reviendra. On va faire des conneries avec ça toute cette semaine. Et bon courage à tous ceux qui font le ramadan, parce que moi, sans déconner, mais je vous respecte, je serais incapable de ne pas. Alors manger ça irait, mais pas boire d'eau dans la journée. Oh, mais non, putain, mais je pourrais pas. C'est le goût classique, c'est mental, c'est psychologique, tout est dans la tête les amis. Ah, je n'ai aucune force, j'ai aucune volonté, vraiment aucune. Sauf que moi je bois de l'alcool, du pinard hein monsieur. Alors ça, si tu me présentes, attends, je te rappelle que au mois de février j'ai fait quand même une cure de 15 jours sans boire une seule goutte d'alcool monsieur. Hein, ça c'est vrai, et j'avoue. Et ben je suis pas prêt de recommencer parce que qu'est-ce que c'était dégueulasse mes repas. Jean-François est là, bonjour Jean-François. Bonjour Evan, et je ne fais pas le ramadan, je te rassure. Ah bah ça. Ça se voit. Bon, mon Jeff, est-ce que ça va toi ce matin? Écoute, moi je suis un petit peu crispé parce que je joue mon premier match de tennis dans un tournoi cet après-midi. Donc j'ai décidé de m'inscrire dans un tournoi de tennis. À mon avis, je ferai pas long feu, mais voilà. Ah, si c'est comme moi, tu vas repartir avec beaucoup de l'eau de consolation. Hein. Le porte-clés et tout ça. Quoique, mon Jean-François, et je vais partager avec vous. Pour la première fois, j'ai fait un tournoi ce week-end. Et pour la première fois où j'ai fait des tournois de tennis, j'ai battu au premier tour un mec plus fort que moi. Ce qui fait que je vais monter au classement. Bon, je me suis fait lamentablement dégager au second tour. Mais le premier tour, j'ai quand même réussi à le passer, ce qui était assez exceptionnel. 6h12 sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'on va écouter dans un instant? Tiens, Face et Afrojack, c'est ce qui va arriver dans 2 secondes. Il y aura du Chris Cal aussi. Alors on va tout de suite parler des cadeaux que nous allons vous offrir aujourd'hui. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, on a fait gagner des Macs. Il y a eu 5 MacBook Air qui sont partis dans les poches de plusieurs auditeurs la semaine dernière. Toute cette semaine, entre 6h et 9h, Justine va vous expliquer ce qu'on va vous offrir. Ouais, toute cette semaine, on vous offre des hoverboards. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est genre des skateboards améliorés, inspirés de Retour vers le futur. Non mais c'est vrai, non. Il y a quelques mois, c'était plutôt les enfants et les ados qui en étaient fans. Mais aujourd'hui, bah, les adultes, ils en achètent beaucoup pour se déplacer. Par exemple au boulot. Voilà. Non, pourquoi je rigole? Parce que j'ai cru qu'au début, t'allais dire toute cette semaine sur Fun Radio, on vous offre des overdoses. Mais non. C'est horrible. On fera ça, mais plutôt la dernière semaine de la saison, si ça vous ennuie pas. Non, par contre, sur les overboards, donc c'est vrai que ça, d'abord, ça coûte une blinde. Hein. Moi, j'ai regardé les prix, c'est quand même assez cher. Donc, je sais que tout le monde est fan d'overboards, notamment les enfants, c'est vrai qu'ils kiffent. Mais je me suis quand même dit, moi, j'ai un copain de mon fils que j'appelle Bouboule. Bon, vous avez compris pourquoi je l'appelle Bouboule. Parce qu'il roule. Bah, je l'appelle Bouboule parce que, bon, il mange un peu trop de gâteaux, Bouboule. Il est un peu gourmand, Bouboule. Mais surtout, je l'ai vu la dernière fois avec son overboard et je me suis dit, putain, mais pourquoi les parents lui ont acheté un overboard déjà qui marchait pas beaucoup, mais alors maintenant il marche plus du tout. Mais vraiment, mais plus du tout. Attention, parce qu'il y a quand même une flexion des jambes, donc ça reste sportif quand même. Oui, mais entre la flexion des jambes et le fait de marcher pour aller jusqu'au supermarché, je sais pas ce qu'il dépense de plus de calories. Parce que maintenant, Bouboule, il va au supermarché avec son overboard et dès qu'il a fini les courses, Bouboule, hop, il remonte sur son overboard et puis il ramène les courses à la maison, Bouboule. Donc allez, il marche plus du tout, Bouboule. Ok, c'est pas. Bon, bref, on vous offrira donc cet overboard tout à l'heure avec une question de Justine qui tombera aux alentours de 7h15. Si vous y répondez correctement, vous repartirez avec cet overboard pour la première sélection tout à l'heure. 7h15, c'est dans un peu plus d'une heure. Tout à l'heure, à 6h20, ce sera à l'horoscope. L'horoscope de l'amour et de l'amitié. Et puis pour se réveiller tranquille ce matin en mode son dance floor, voici Florida sur Fun Radio. Bonjour, c'est Evan, c'est la tribu sur Fun. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my wrongs are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another comma in my budget. I got an anaconda in my trust it. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, you can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You I'm watching. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Il est 6h18 sur Fun Radio. Dans 4 minutes, ce sera l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On n'a pas parlé des prénoms qu'on fêtait aujourd'hui, en ce lundi, à qui nous disons bonne fête, Justine, ce matin. On fête les Claude, les Claudia, les Claudio, enfin tout ce qui commence, tout ce qui par, commence Claude. Par Claude. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, la reine Claude, il y a les cerises aussi, les Claudettes. Oui, les voilà. Claudettes. Non, ça, c'est les danseuses qui chantaient avec Claude François. Le lundi au soleil, ouais, les chansons préférées de Jean-François. Oui, c'était l'ancien métier de Yolande, hein, au standard. De quoi? Bah, Claudette. Pourquoi? Parce qu'il y avait une blague dans l'affaire, tu te souviens ou pas? Oh putain, t'as été la chercher loin celle-ci. Oh là là! Oh putain, c'est de la vanne de lundi ça! Oh putain! Ça pique! Bon, ça pique. On va vite envoyer la suite et dans un instant, Face et Afrojack arrivent sur Fun Radio. Et si vous avez kiffé le dernier Alan Walker, sachez-le, avant 7h, je vous ferai découvrir son tout nouveau single avant tout le monde. Ça va débarquer tout à l'heure, juste avant 7h sur Fun Radio. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas, Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Your face telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay? Merci de commencer la journée avec Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu, nous sommes aujourd'hui lundi le 6 juin, je vous rappelle qu'il y aura votre hoverboard à gagner aujourd'hui entre 6h et 9h, ça sera comme ça toute la semaine et puis dans un instant, pour le son Dance Floor, on va se faire le son de Chris Cab avec Badabing. Ma Justine, nous allons parler maintenant de l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On commence avec les béliers. Vous ferez de belles déclarations qui seront appréciées, c'est une belle journée pour vous. Les taureaux. Vous serez plutôt inquiets et cela durera toute la journée. Pourquoi t'es inquiète? Parce que t'es taureau, toi. C'est pour oui, ça que je le rappelle. Je sais pas. Mais c'est non, vrai que je me sens stressée. Non, c'est vrai que je me sens pas très bien. Parce que c'est le début du ramadan, c'est pour ça. Ça te stresse un petit peu. C'est la première fois pour toi. Gémeaux. Séduction et sensualité sont au programme. Profitez-en bien. Les cancers. Vous déciderez enfin de prendre soin de votre couple. Les lions. Votre partenaire a besoin de plus d'affection. Ouvrez-vous et donnez-lui ce dont il ou elle a besoin. Vierge. Vous êtes énervé au travail et cela se répercute sur votre vie amoureuse. Balance. Vous êtes sous l'emprise du stress mais votre chérie saura vous réconforter. Ça c'est bien. Les scorpions. Votre sensibilité sera mise à l'épreuve et vous ne savez plus quoi penser. Sagittaire. Vous serez d'humeur taquine, votre moitié ne pourra pas vous résister. Les capricornes. Vous avez besoin d'indépendance mais votre conjoint ne l'entend pas de cette oreille. Verseau. Vous êtes fuyant mais vous risquez de perdre une perle rare. Et enfin les poissons. On vous écoute, on vous soutient, mais ça ne vous suffit pas, vous restez insatisfait. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, c'est Fun Radio, il est 6h24. L'horoscope. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Rita, on t'a amené un petit cadeau aussi, t'attrape, attention, réflexe. Ah, Kinder Bueno, ouais. Vous êtes au courant quoi? T'as une team Kinder Bueno, ouais, et maintenant ça. À Fun Radio, on fait officiellement partie de ta team Kinder ça Bueno. Ça fait plaisir, ouais. Mais je le partage celui-là, c'est bon. Un doigt chacun. Enfin, pardon. Je garde mes bagues. Hein. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Kiwet présente. Chaque inconvénient a son avantage. Inconvénient. Vous devez faire le plein. Oui, je dois faire le plein. Avantage. Cette semaine, dans tous les Kiwet avec Deleuze Shop & Go, vous trouvez un poulet rôti à emporter pour seulement 4 euros. Un poulet rôti? Et y a plus qu'à le réchauffer? Oh, c'est du luxe. Ça, c'est un bel. Avantage. Quand on veut vite trouver en cours de route une idée pour le dîner. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Passez donc maintenant dans un Kiwet près de chez vous. Action sous condition. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'espagnol. Deux cocktails. Dos cocteles. Et pour moi, le homard. Y para mí la langosta. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben, on voit encore Brian au fast-food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ce soir à 21h45 sur Plug RTL, votre série Psych. Je suis désolé, Henri. Il faut que vous le sauviez, c'est mon papa. Grâce à ses talents de déduction, Shaun Spencer résout des enquêtes impossibles pour la police. Vous êtes la meilleure chance que nous ayons de mettre la main sur cette ignoble pourriture. Ces types sont comme les gardes de Buckingham Palace. Ils ont même pas le droit de nous effleurer. Ah ah Psych, ce soir à 21h45. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I'm looking around and there's booty everywhere. Up and down and round and round. I'm looking around and there's booty everywhere. Round and round, she got one that I like, she got one I like too. C'est pas parce que tu portes une mini-jupe, des barésilles, un Wonderbra et que tu t'appelles Jean-Jacques que t'as pas le droit d'écouter la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Evan et la tribu, réveillez-vous comme vous êtes. International et la connexion. Chris Cam, Youssoufa est dans la maison. Devant, Bipada Ping Dong. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. Shots of De Leon. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall. I can't recall one thing. It's on for some action. Dans la place, Paris est dans la place, et ça fait 6h30 sur Fun Radio. Dans un instant, on va lire tous vos messages comme chaque matin. Messages que vous balancez sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, également par les SMS au 3044 et sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous informer également si vous voyez des radars, s'il y a des bouchons ou toute autre chose. Faites passer aussi les petits coucous du matin. Vous les souhaitez un anniversaire, n'hésitez pas. Bref, on va parler de vous dans un instant. Dites-nous aussi ce que vous avez fait ce week-end. Ça sera juste après les infos et le son d'Alesso et Nico Evans qui arrive. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio, il est 6h31, on s'informe tout de suite avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Trois personnes sont décédées hier dans une collision entre deux trains à Hermal-Souy. Neuf personnes sont également blessées à des degrés divers et certaines sont dans un état critique selon un premier bilan provisoire. 27 autres passagers ont aussi été pris en charge. Le train de marchandises ne transportait pas de substances dangereuses. Il s'agit en fait d'un train de voyageurs transportant une quarantaine de personnes qui a embouti ce train de marchandises qui était à l'arrêt alors que le train roulait à une vitesse relativement importante. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux des six voitures ont déraillé avant de se coucher sur les voies. Le porte-parole d'Infrabel ne s'est pas encore prononcé sur aucune hypothèse, mais il a néanmoins précisé qu'un incident lié à la foudre avait eu lieu sur la ligne dans le courant de la journée. La situation dans les transports en commun du Hainaut s'apaise avec la levée progressive des piquets dans les dépôts. Des perturbations sont toutefois toujours à craindre. Les piquets de grève sont en train de se lever progressivement dans les différents dépôts du Tekeno après une semaine de blocage presque total au cours de laquelle seuls quelques bus étaient sortis des petits dépôts de Castaux et de Roisin. La situation semble s'apaiser petit à petit. Il n'y a plus de piquets au dépôt de J et de Mons où les premiers bus sont sortis ce matin. Pas de piquets non plus à la Louvière, ce qui est le cas depuis vendredi. Mais des perturbations sont néanmoins à craindre. Par contre, aucun bus n'est encore sorti de la zone de tournée et à Charleroi. Quelques 5000 personnes ont dû être évacuées entre samedi et dimanche en raison d'incendies tout près de Los Angeles, dans la ville huppée de Calabasas où vivent de nombreuses célébrités, notamment les membres de la célèbre famille Kardashian. Plus de 200 hectares de bois et de broussailles ont déjà brûlé dans cette zone vallonnée. Deux maisons ont été endommagées, un bâtiment commercial a été détruit, une grande partie des 5000 personnes évacuées avaient pu regagner leur foyer hier avant l'aube, selon les autorités locales. Mais les températures proches de 30 degrés et le vent menaçaient de pousser le brasier vers une localité au nord de Los Angeles qui surplombe les plages de Malibu. En sport, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a remporté les internationaux de France à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Il a pris la mesure en 4-7 du Britannique Andy Murray, deuxième joueur du monde. C'est le 65e titre ATP de la carrière de Djokovic et le 6e cette année. Et chez les dames, c'est l'Espagnol Muguruza qui a inscrit son nom au palmarès en s'offrant le scalp de la numéro 1 mondiale Serena Williams sur le score de 7-5 et 6-4. Un petit mot enfin, vous parlez d'un Pakistanais de 46 ans qui est à la recherche d'une quatrième épouse, ce qui lui permettrait d'atteindre son rêve, tout simplement avoir 100 héritiers. Encore 65 enfants et il aura atteint son but. Cet homme vivant au Baloutchistan, la région la plus pauvre du Pakistan, est persuadé qu'il est de son devoir d'avoir le plus d'enfants possible. Déjà marié à 3 femmes et père de 35 enfants, âgé de 0 à 15 ans, il compte en épouser une quatrième et lui donner à nouveau de nombreux enfants. Il assure qu'il se trompe très rarement dans le prénom de ses enfants. Il affirme aussi qu'il traite ses 3 épouses de façon égale. Selon lui, elles le soutiennent dans ce projet fou et s'entendent très bien entre elles. La question, Jean-François, c'est pourquoi tu parles de cette personne au troisième, à la troisième personne du singulier alors que c'est toi, tout simplement. C'est quand même bizarre. Autant dire que je recherche plutôt dire il recherche. Ouais. Enfin bon, bravo quand même. Sans héritier. Le mec a du courage. Déjà, quand on a deux, c'est pas facile. Météo du jour, qu'est-ce que ça donne? Des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses sont cependant annoncées principalement sur l'intérieur du pays dans l'après-midi et la soirée. Côté température, les maxima se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et 28 degrés ailleurs. On se retrouve à 7h pour les prochaines infos. Tout de suite, c'est Alesso sur Fun Radio. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. Sur Fun Radio du son Dance Floor et de la déconne. Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme ce matin, que tout va bien. Dans un instant, je vous ai calé le son d'Ellie Goulding pour la suite. Il y aura aussi du Will.i.am avec Piyamia. Et puis avant 7h, vous allez découvrir le tout nouveau morceau d'Alan Walker. Ce sera en exclusivité ce matin dans Evan et la Tribu. Alors un petit mot quand même pour vous dire que ce week-end, il y avait la grande finale de Roland-Garros. Yes. Autant pour les femmes que pour les hommes. Qui a suivi les finales de ce week-end autour de la table? J'ai suivi juste les résultats. D'accord, mais personne n'a regardé les matchs, hein, c'est ça? Eh bien, alors moi j'ai suivi la finale des femmes. Donc c'était Garbiñe Muguruza contre Venus Williams. Et c'est donc Garbiñe Muguruza qui a joué. Elle est née le 8 octobre 93. Elle mesure 1m82, donc elle a que 22 ans. Et alors moi je peux vous dire que je l'ai supportée dès le départ et je suis totalement tombé love de cette jeune femme qui est simplement belle à voir jouer et belle tout court. Il y a des photos d'elle. C'est un moment. Elle était tellement belle que j'essayais de mettre ma tête sur le côté pour voir si je pouvais avoir une chance de voir autre chose que ses jambes, mais ça n'a pas marché du tout. Non mais c'est vrai, hein, même à côté ma femme est à côté, j'ai quand même, elle a des jambes magnifiques, des jambes et d'une beauté, voilà, donc bravo à elle. Et puis Djokovic, il est content parce qu'il a enfin gagné son tournoi. Son premier, premier Roland-Garros, hein, c'est ça. Ouais, il attendait, il avait fait 4 finales et puis il avait toujours perdu. Et je regardais hier ses gains, c'est quand même un truc de ouf. Le mec a gagné plus de 100 millions de dollars juste en gains de tournoi. C'est juste hallucinant. 100 millions de dollars juste pour prendre la finale de Roland-Garros. Ah non, la finale de Roland-Garros, c'est 2 millions d'euros. Le mec, il finit. Oh mon Dieu. Mais en cumulé, Djokovic, il a gagné plus de 100 millions de dollars. C'est bien ça, Jean-François? Oui, c'est ça. Et dire que toi, t'as gagné une botte de poro et de carottes ce week-end en gagnant ton match, c'est un peu... Non, j'ai gagné une boîte de cacahuètes. C'est vrai ce que j'ai gagné. J'ai gagné une boîte de cacahuètes. Bon, on va lire vos messages qui arrivent sur le Snapchat de l'émission, Justine. Alors, Amel de Strepy-Brakni nous dit « Courage à ma petite Caro, chérie, t'es la meilleure. Jonathan nous dit « Direction le boulot, vous me faites trop marrer, restez comme vous êtes. » Et puis Shana, pas assez reposée, punaise, c'est déjà lundi, heureusement que vous êtes là avec moi. » Des gros bisous Shana, gros bisous à vous si vous êtes en train de vous réveiller tranquillement là en mode son dance floor et petit déj gratos d'ailleurs, ce sera tout à l'heure aux alentours de 7h05, on sera en Derlu ce matin. Un mot sur les températures et le temps qu'il fait chez vous, vous nous informez en temps réel de la météo qu'il y a autour de l'endroit où vous êtes les doudous. Khalid, ça fait plaisir à voir puisqu'il fait 20 degrés à Bruxelles, c'est signé Victor. Sarah nous annonce 19 degrés du côté de Jemappes, 18 degrés à Messancy, merci à toi Barbara. Et alors Raph nous annonce 19 degrés du côté de Liège. 6h41, c'est l'heure de découvrir maintenant la phrase Facebook du jour sur Khalid du Jambon. Quand je vois une femme conduire un bus, je suis fier de cette société qui a évolué en matière d'égalité. Puis, j'attends le bus suivant. C'est méchant, mais bon, voilà. Oh, c'est un du petit peu misogyne, la phrase du jour. C'est du millième degré, comme d'habitude. Moi je prends jamais le bus, comme ça je suis tranquille. On va dans un instant découvrir ce qu'il y aura à gagner toute cette semaine entre 6h et 9h. N'oubliez pas qu'avant 7h aussi, vous allez pouvoir découvrir le tout dernier morceau d'Alan Walker en exclusivité ce matin. Du son dance floor de la déconne, c'est Evan, c'est la tribu, où que vous soyez, partout en Belgique. Merci de commencer la journée avec nous. Voici Ellie Goulding sur Fun. I'm gonna lose it all, playing with fire. Dans 30 minutes sur Fun Radio, il sera l'heure de répondre à la question de Justine pour votre sélection afin de gagner votre overboard. C'est ce qu'on va vous offrir toute cette semaine. Overboard qui fait une douzaine de kilos, qui va quand même jusqu'à 15 km/h, qui est petit, compact, qui tient quasi 4 heures. Ce sera gagné toute cette semaine entre 6h et 9h. Et puis autre cadeau, à gagner votre boîte de jeu 5 secondes chrono avant 7h. On jouera aux 5 secondes chrono. Rappelle-nous le principe du jeu, Justine, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, je vous pose une question et en moins de 5 secondes chrono, vous devez répondre 3 choses et vous affronter quelqu'un de l'équipe de votre choix. Comment vous inscrire ? Vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. On joue ensemble dans un instant. Vous choisissez qui vous voulez dans l'équipe. Vous pouvez affronter Justine, Khalid, Sandro, Jean-François, Yolande ou moi-même. Donc allez-y, vous envoyez maintenant le chiffre 5 par SMS au 6322. Et puis il y a ce petit message qui est arrivé par SMS au 3044 qui me dit « Hello la tribu, pas envie de m'habiller ce matin, je suis très bien tout nu, lol. » Eh bien écoute, envoyez une photo parce que c'est bien de partager de temps en temps. Il faut savoir qu'hier c'était la journée mondiale du naturiste. Ouais, c'est ça, naturiste, nudiste, etc. Oh, on m'a pas prévenu, merde. Bah écoute, toi, c'est toute l'année, toi, seul problème. Dès qu'il en a l'occasion. Allez, à suivre Will.i.am sur Fun Radio. Puis juste derrière, on va jouer 5 secondes chrono. Et surtout, vous allez découvrir avant 7h le tout nouveau single d'Alan Walker en exclu sur Fun Radio ce matin. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7. Vous en rêvez ? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 € par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir, l'avenir est au contenu. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente ? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. Feel it in my bones. This anticipation. See him through the smoke. So hard to be patient. Thank you.

Attila, es-tu là? Attila, es-tu là? Attila, une fois. Attila, deux fois. Attila, trois fois. Attila, au revoir. Attila, on va faire jouer. Attila, là. Attila, oui, bonjour. Bonjour, Attila. Bonjour, Eva. Bonjour Attila, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais perdu dans le standard, mon doudou? Ouais, je vois ton tête très mal. Ok, très bien, bah écoute, c'est des choses qui arrivent hein, en ce lundi matin. Tu veux jouer contre qui aux 5 secondes chrono? Contre François. Jean-François, à la la météo. Eh bien, nous allons commencer avec la carte choisie par Justine, puisque c'est elle la maîtresse de cérémonie de ce jeu. Attention. Allez, Attila, on commence avec toi. En moins de 5 secondes chrono, cite 3 capitales d'Europe. Top. Ah. Bon, il y a Paris, je crois. Il a dit Paris, j'ai entendu Paris. Je pense qu'il a un gros problème avec son GSM, hein, Attila. Là, c'est vraiment un souci parce que du coup, on ne comprend pas très très bien. Alors, on va quand même faire jouer Jean-François. Non, attends, Attila, excuse-nous. C'est parce qu'on a un gros problème avec ton téléphone. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse quand même la carte de Jean-François. Et puis, si on peut, Attila, on le repasse demain, mais en étant sûr qu'on ait moins de problèmes avec son téléphone parce que là, visiblement, ça bug. Hein, il n'est pas très bien le réseau. Jean-François, voici ta carte. Alors, Jean-François, en moins de 5 secondes chrono, cite les 3 membres des Destiny's Child. Incapable. Allez, au moins une. Non, je joue, franchement, non. Mais Beyoncé. Attends, mais... Ah, oui, mais. Il y avait Beyoncé, Kelly Rowland et après. Michelle Williams. Voilà. Ouais. Et qui d'autre? Michelle Williams. Ah, ils étaient que 3. Ah, bah oui. Eh oui. Combien, toi? C'est une victoire dans la douleur d'Attila. Bravo, Attila. On l'applaudit bien fort. Bon, si vous pouvez, Yolande, essaie de le recaler demain parce que c'est vrai que le pauvre, on l'a même pas entendu. En tout cas, si vous aussi vous voulez jouer et repartir avec votre boîte de jeu 5 secondes chrono, pas facile à dire, écoutez comment ça se passe. Pour jouer vous aussi aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu, envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Je vous fais découvrir maintenant en exclusivité l'artiste dont est fan Justine. C'est elle-même qui d'ailleurs nous a soufflé de passer le premier single sur l'antenne de Fun. Et voici donc le deuxième single. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté toi Justine. Ah ben non, pas encore, j'attends comme vous. Et c'est une exclusivité. Le morceau s'appelle Sing Me To Sleep. En gros, chante-moi un truc pour je dorme. Fais le dos câlin, mon petit frère. Vous allez le découvrir. Ce morceau ce matin. Voici le nouveau Alan Walker en exclusivité sur Fun Radio. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Yeah. Déjà plus d'un million de vues sur YouTube. Je viens de vous faire découvrir à l'instant le tout nouveau Alan Walker sur Fun Radio. Nous sommes lundi, bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu. Dans un instant, Justin Timberlake. Il est 7h sur Fun Radio, bonjour. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Dans moins de 10 minutes, on vous donnera l'adresse du petit-déj gratos. Ce matin, on est du côté d'Anderlu. Mais d'abord, 7h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Trois personnes sont décédées dans une collision entre deux trains hier à Hermal-Souy. 9 personnes sont également blessées à des degrés divers et certaines sont dans un état critique selon un premier bilan. 27 autres passagers ont aussi été pris en charge. Le train de marchandises ne transportait pas de substances dangereuses. Le train de voyageurs qui transportait une quarantaine de personnes l'a embouti à une vitesse relativement importante. Deux des 6 voitures ont déraillé avant de se coucher sur les voies. Le porte-parole d'Infrabel ne s'est pas encore prononcé sur aucune hypothèse, mais il a néanmoins précisé qu'un incident lié à la foudre avait eu lieu sur la ligne dans le courant de la journée. Les bus ne circulent pas ce matin dans les régions de Tournai de Charleroi à l'appel de la CGSP. Des pneus ont même été déposés à l'entrée des dépôts pour empêcher les bus de circuler. Certaines perturbations sont à craindre dans le Hainaut alors que la circulation devrait se dérouler normalement ailleurs. Les trains circulent quant à eux aussi de nouveau normalement. Autre mouvement de colère, celui des transporteurs routiers qui devraient bloquer aujourd'hui l'ensemble des postes frontières, toujours concernant l'instauration de la taxe au kilomètre. Suite aux fortes perturbations qui ont touché hier le Condre Huitois, de nombreuses coulées de boue et de gravier ont été constatées dans les entités de Comblain au Pont et Amoire. Plusieurs routes ont même été fermées à la circulation. Sur le territoire de la commune de Amoire, quelques maisons ont été inondées. De violents orages ont provoqué les débordements de l'Aisne, entraînant des inondations également dans la région d'Hérezé. La province d'Anvers a aussi été touchée, tout comme la région de Chimay. Des perturbations ont également été notées sur le réseau ferroviaire en raison des inondations et des coulées de boue. La décrue de la Seine, qui avait atteint un niveau jamais vu en plus de 30 ans, s'est confirmée hier à Paris, mais la vigilance restait de mise dans plusieurs régions françaises face aux intempéries qui ont fait 4 morts en une semaine. Avec des centaines de communes touchées et des milliers d'entreprises, d'agriculteurs et de particuliers affectés par une semaine de pluie torrentielle et d'inondations, les premières évaluations laissent entrevoir une facture de dégâts supérieure aux milliards d'euros. Le niveau de la Seine dans la capitale est redescendu à 5,62 m dans l'après-midi, alors que la montée des eaux jusqu'à un peu plus de 6 mètres dans la nuit de vendredi à samedi avait suscité l'inquiétude. Un mot de sport enfin pour vous dire qu'après son succès en Suisse et son partage de mercredi dernier face à la Finlande, la Belgique n'a pas vraiment rassuré ses supporters à quelques jours du début de l'Euro. Les Diables Rouges, rapidement mis sur orbite par un but de Lukaku, ont ensuite peiné à faire la différence hier face à la Norvège qui a égalisé et qui a même réussi à mener à la marque en début de seconde période. C'est finalement grâce à Eden Hazard et au revenant Laurent Simon que les Diables se sont imposés 3-2. Demain, ils prennent l'avion et la direction de Bordeaux où ils établiront leur camp de base avant leur entrée dans le tournoi prévu lundi prochain face à l'Italie. Fun. Fun Radio. Maintenant dans les stations Kiwet avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Kiwet. À suivre le son de Justin Timberlake, Galantis, il y aura également Ira Istrefi sur Fun Radio. Dans 15 minutes, je vous offre votre overboard avec la question de Justine pour être sélectionné et tenter de remporter votre overboard de ce matin. On termine, Jean-François, avec la météo pour ce flash. Des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses sont également annoncées dans l'après-midi et la soirée. Les maxima de température se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et 28 degrés ailleurs. Et puis demain et mercredi, les périodes ensoleillées vont alterner avec des averses orageuses avant un retour d'un temps un peu plus sec à partir de jeudi. Prochain rendez-vous de l'info à 7h30. Tout de suite, le son Dance Floor sur Fun Radio avec Justin Timberlake. Fun Radio. Fun. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son Dance Floor. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Il est 7h09 sur Fun Radio, nous sommes lundi aujourd'hui, le 6 juin, une nouvelle semaine qui redémarre, c'est Evan, c'est la tribu et je vous dis bonjour les doudous. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bande de colères. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bande de sur Fun Radio, et ça fait trop du bien. Tout le monde est là ce matin, cette bande de tarés que j'appelle la tribu, qui m'accompagne chaque jour entre 6h et 9h. Justine est là, bonjour ma Juju. Hello, bonjour tout le monde. Sœur Khalid du jambon qui démarre le ramadan, qui peut plus bouffer, qui peut plus boire jusqu'à ce soir 21h54. Hein, bonjour Khalid. Tout le monde, juste. Il va peiner. Le spray menthol compte hein, quand même hein, pour la bouche. Ça peut, ça peut être utile parce que quand même Justine est voisine de toi et visiblement elle peine ce matin. Jean-François est à l'info, la météo et à l'info trafic. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Sandro est de retour de vacances. Bonjour mon Sandro. Bonjour. Et la Yolande est là également. Bonjour ma yo-yo. Bonjour le Evan. Bonjour à vous, bienvenue et bon réveil. Il y a des petits messages qui nous font plaisir ce matin que vous envoyez sur le Snapchat de l'émission et également directement sur le 3044. On les lira dans quelques instants. D'abord, Justine va vous rappeler ce qu'il y a gagné toute cette semaine entre 6h et 9h. On vous offre des overboards. Donc, on peut dire que c'est un peu des skateboards qui sont un peu évolués. Donc, c'est inspiré de Retour vers le futur du film. Et donc, ça vaut quand même 350€ minimum parce qu'après, ça peut augmenter. C'est très à la mode en fait en ce moment les overboards, hein. Ça va quand même jusqu'à aller 10-15 km/h, ça tient 3 à 4 heures et effectivement ils sont à gagner toute cette semaine entre 6h et 9h. Il y aura une question qui sera posée par Justine dans un instant, il faudra avoir la bonne réponse. Est-ce que vous avez déjà essayé de... vous êtes déjà monté sur un overboard autour de la table ou pas là? Oui. Quelqu'un? Qui en a fait? Moi j'en ai essayé, ouais ouais. Tout le monde en a fait alors, même Jean-François? Non, parce que moi il a cassé. Et c'est vrai que c'est pas facile hein, quand même. Moi j'ai essayé de monter une fois sur celui de chez Lloyd qu'on a un hein, qui anime le 9h-13h. Effectivement, c'est un coup à prendre. En tout cas, il sera à gagner cet overboard dans quelques instants sur Fun Radio grâce à la question de Justine. Pour la suite du son Dance Floor, je vous ai calé du Galantis dans un instant. Il y aura aussi Rice Treffy sur Fun Radio. Alors ce week-end, c'était les finales de Roland-Garros, hein, Djokovic qui a gagné la sienne, et puis une nouvelle venue d'ailleurs qui s'appelle Muguruza, Garbiñe Muguruza. Les garçons, je vous ai envoyé discrètement, sans que personne me regarde, une petite photo. J'espère que vous avez bien reçu tout ça et que vous l'avez ouverte, parce que j'ai même pas eu un merci de votre part. On n'est pas d'accord avec toi, ne vend pas du rêve, hein, je suis désolé. Hein. Je vous ai pas envoyé la tête les gars, hein, c'était pas la tête qui comptait, hein, c'était autre chose. Ils ont mal regardé. Sans doute, t'es d'accord avec moi, ce que j'ai envoyé était très bien. Ah oui, je vais jouer au tennis du coup. Hein, j'en étais sûr. Oh là là. Et donc quelqu'un me dit, hello Evan à la tribu, je vous envoie ce message pour rectifier. Je sais pas Evan, quelle finale tu regardais mort de rire, mais c'était pas Venus Williams, mais Serena Williams qui a perdu ce week-end. Bon, moi j'ai confondu effectivement, mais c'est vrai qu'elle se ressemble tellement, ce n'était pas Venus mais Serena. Salut Evan, enfin je sais vous entendre car avant je ne vous captais pas, en plus pas le moral. Alors je sais pas signer, mais en tout cas merci pour le message. Et puis on fait un gros bisou également à Cathy qui se réveille avec nous ce matin. C'est l'heure de prendre le petit déj gratos tous ensemble, c'est parti pour bouffer sauf pour Khalid. Petit déj gratos sur Fun Radio. On a Marisa qui est avec nous. Bonjour Marisa. Marisa. Oui. Es-tu là? Oui, bonjour. Marisa, oui, tu vas bien? Bonjour, ce matin? Bonjour à tous les auditeurs de Fun Radio. Eh bien, tous les auditeurs te saluent. Il va y avoir du monde qui va venir te dire bonjour. Marisa, nous sommes ce matin à Derlu pour le petit déj gratos. Quel est le nom de ta boulangerie? Alors, la boulangerie est la boulangerie Thirion. Donc, nous sommes situés chaussée de Mont, 310 C en Derlu, donc juste en face du McDo. D'accord, très bien. Bah, si Justine arrive, je sais qu'elle fera un choix très simple. Elle commencera par le McDo hein, d'abord, hein, ça c'est évident. Qu'est-ce que tu offres ce matin, Marisa, aux auditeurs qui viennent te voir de la part de Fun Radio? Donc nous offrons ce matin un croissant ou un pain au chocolat, donc jusqu'à 6h, voilà. Et bah, le rendez-vous est pris, c'est à Anderlu que ça se passe ce matin pour le petit déj gratos. Vous allez voir Marisa, c'est jusqu'à 10h. Merci beaucoup pour participer à l'opération petit déj gratos comme tous les matins. Gros bisous Marisa. Alors je voulais quand même donner les horaires de notre boulangerie. Donc nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 7h30 à 18h30 et le dimanche jusqu'à 18h. Donc là, c'est pas la peine de passer maintenant, on passe pas avant 7h30, on est d'accord pour ce matin. On est déjà ouvert aujourd'hui, voilà. Et bah, ça marche, c'est une bonne nouvelle. Gros bisous Marisa, je t'embrasse très fort. Bisous ma doudou. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Marisa, vous allez donc à Anderlu ce matin. On met tout de suite l'adresse sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. C'est du côté de Anderlu que vous faites payer le petit déj gratos chaque jour grâce à la complicité de différentes boulangeries qui vous offrent le petit déj gratos jusqu'à 10h. On va écouter le son de Galantis, c'est juste derrière. Ce sera la question de Justine pour tenter de remporter votre overboard sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. Il est 7h17 sur Fun Radio. Du son dance floor, la déconne pour vous tous les matins. On est là, il y a le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu, le Facebook également Evan et la Tribu, pour retrouver notamment le petit-déj gratos. On est à Anderlu ce matin, vous avez l'adresse du petit-déj pour vous faire payer le petit-déj jusqu'à 10h. À suivre, Era Istrefi sur Fun. Et à 7h18, c'est l'heure de découvrir la question du jour. D'abord, rappelons ce qu'il y a à remporter toute cette semaine entre 6h et 9h. Et si vous répondez correctement à cette question du jour proposée par Justine, vous aurez l'occasion d'être sélectionnée pour remporter votre hoverboard. Alors, Justine. On vous offre des hoverboards d'Urban Wheels, donc qui valent quand même 350 euros minimum. Et donc, pour les remporter, je vous pose une question qui est celle-ci. Quelle est la vitesse maximale de l'hoverboard? Evan vous l'a dit tout à l'heure en plus. Donc, soit 15 km/h, soit 50 km/h, ou bien 70 km/h. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez le code FUN, donc FUN, suivi de votre proposition, tout ça au 6322. Un indice à la con ce matin, vous pouvez vous faire pécho par un radar. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, quel est le mot code, le mot clé pour jouer? C'est FUN, hein, c'est ça? FUN. FUN. Ouais. FUN, donc vous envoyez bien FUN, FUN, suivi de votre proposition de réponse au 6322 pour ceux qui sont mal réveillés ce matin. Rappelons la question. Alors, quelle est la vitesse maximale de l'hoverboard? Soit 15, soit 50 ou soit 70 km/h? Allez, vous dépêchez-vous pour répondre à cette question. Si vous êtes rappelé tout à l'heure et que vous décrochez avec la bonne réponse, vous repartirez peut-être avec votre sélection pour remporter votre hoverboard ce matin. On va envoyer le son d'Era Istrefi. On va revenir dans un instant, on va parler un petit peu cinéma. Il y aura tout à l'heure le retour de Fabien Feyèche, comme tous les jours, autour de 7h45. Et puis enfin, jeu de l'actu avec Sœur Cali du Jambon. On verra si vous avez bien, si on a bien suivi l'actualité de ce week-end, de l'actualité souvent insolite, drôle, qui nous fait marrer. Ça sera à suivre dans une vingtaine de minutes sur Fun Radio, 7h19. Il est 7h21 sur Fun Radio. Fabien Feillet, je vais arriver tout à l'heure. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, ce sera juste avant 8h. On va rappeler la question du jour qui vous permet de remporter votre hoverboard ce matin. Justine. Et quelle est la vitesse maximale de l'hoverboard? Soit 15 km/h, soit 50 km/h, soit 70. Et si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, pour commencer votre message, suivi de votre proposition au 6322. Bonne chance à vous, n'oubliez pas si vous voyez un radar, si vous voyez des bouchons ce matin, n'hésitez pas à nous informer, qu'on passe le message à toute la communauté Fun Radio. Vous avez le Facebook de l'émission Evan et la Tribu, le Snapchat Evan et la Tribu, puis les SMS au 3044. À suivre, ce sera Calvin Harris et Rihanna sur Fun. Soir, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Et on récupère notre auditeur mystère, Johan, qui est là, 19 ans, à tourner, qui va bientôt rentrer chez lui. Johan. En fait, voilà, je bossais sur mon dossier, et j'ai eu un gros putain de coup de bol, en fait. Venez nous raconter, tiens, la dernière petite victoire du quotidien. Moi, je me rappelle, j'avais pas une thune, c'était au moment de la Saint-Valentin. Ouais. Pas une thune pour acheter un cadeau à ma meuf. On est le 13, je me dis, merde, j'achète quoi. Et paf, coup de bol. Je me rappelle que je suis célibataire, les gars. Encore ce soir, à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike, le soir sur Fun Radio. Buongiorno. Trafiquer le compteur kilométrique avec le car pass est finita la commedia. Au garage, au centre des pneus, au contrôle technique, tout le monde le sait. Le kilométrage est encodé à chaque passage dans une grande base de données. Et quand vous voulez revendre votre voiture, il se retrouve sur le CarPass. Et ça doit correspondre avec votre compteur. Capiche? CarPass. Depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Ah, c'est tellement bien de sentir le vent dans ses cheveux en roulant. Ah oui, mais ce serait quand même mieux si on roulait en décapotable. Et pas seulement avec les fenêtres ouvertes. One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Fun, Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. Tryna run that game, and it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Hey, yeah, yeah. Baby, maybe you can get it if you got that thing I like. I need a spin-off, work with the chase rounds up. That's how I'm red hot, love that got me freezing. Cause say you can go on, not the way you let that check. But if you wanna hear me sing, you better play that sax. Give it to me. Yeah, he been loving himself more than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Chez Evan et la Tribu, le matin sur Fun Radio, ils sont nombreux. Mais il y a une vraie raison. Quand ils font un gâteau au chocolat, Evan fait la pâte. Et tous les autres épluchent les Smarties. Evan et la Tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you, you, you, you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, on fera un point sur vos conditions de circulation. Et pour la suite du son Dance Floor, je vous ai calé Sia et Sean Paul sur Fun. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Dans moins d'un quart d'heure, c'est Fabien Feillèche qui débarque sur Fun Radio. Mais d'abord, 7h31, on passe à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. La grève dans les transports en commun du Hainaut n'est pas terminée. Il n'y a plus de piquet de grève au dépôt de J et de Mons, mais des perturbations sont encore à craindre. Le Tekeno indique aussi que 15 bus sur 17 sont sortis à EJ et Roisin, soit 92%. À Mons, par contre, seuls 19% des services sont assurés, avec 6 bus sortis sur 32. Pas de piquet non plus à Louvière. Par contre, aucun bus n'est sorti ce matin de la zone de tournée. Et puis au Tech Charleroi, les dépôts sont bloqués par des pneus et aucun bus n'est sorti. À Liège, entre 80 et 90% des trajets sont assurés. Il n'y a pas de perturbations signalées du côté de Namur et du Brabant Wallon. Trois personnes sont décédées dans une collision entre deux trains à Hermal sur Souy hier soir. Neuf personnes sont également blessées à des degrés divers et certaines sont dans un état critique selon un bilan provisoire. 27 autres passagers ont aussi été pris en charge. Le train de marchandises ne transportait pas de substances dangereuses. Il a été heurté par le train de voyageurs alors qu'il était à l'arrêt. Deux des six voitures ont déraillé avant de se coucher sur les voies. Le porte-parole d'Infrabel ne s'est pas encore prononcé sur aucune hypothèse, mais il a néanmoins précisé qu'un incident lié à la foudre avait eu lieu sur la ligne dans le courant de la journée. Le ministre des Finances, Yann Van Wortveld, s'est envolé hier pour New York avec une mission de promouvoir la Belgique auprès des investisseurs, de mettre Bruxelles sur la carte comme centre financier et de redorer l'image du pays. Le ministre va rencontrer près de 200 investisseurs lors d'une table ronde aujourd'hui. Il a également prévu des entrevues diverses avec diverses multinationales, parmi lesquelles Mastercard, afin de convaincre celles-ci de rapatrier leurs fonds de pension vers la Belgique. La Belgique offre en effet des conditions particulièrement avantageuses pour de tels fonds. Le ministre débutera sa visite par une rencontre aujourd'hui avec des entrepreneurs belges établi à New York, la ville qui ne dort jamais. La décrue de la Seine, qui avait atteint un niveau jamais vu en plus de 30 ans, s'est confirmée hier à Paris, mais la vigilance restait de mise dans plusieurs régions françaises face aux intempéries qui ont fait 4 morts en une semaine. Avec des centaines de communes touchées, des milliers d'entreprises, d'agriculteurs et de particuliers affectés par une semaine de pluie torrentielle et d'inondations, les premières évaluations laissent entrevoir une facture des dégâts supérieure aux milliards d'euros. Le niveau de la Seine dans la capitale est redescendu quant à lui à 5,62 m dans l'après-midi, alors que la montée des eaux jusqu'à un peu plus de 6 m dans la nuit de vendredi à samedi avait suscité l'inquiétude. En sport, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a remporté les internationaux de France à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Il a pris la mesure du Britannique Andy Murray en 4-7. C'est le 65e titre ATP de la carrière de Novak Djokovic et le 6e cette année. Chez les dames, c'est l'Espagnol Muguruza qui inscrit son nom au palmarès en souffrant le scalp de la numéro 1 mondiale Serena Williams sur le score de 7-5 et 6-4. Fun Radio. Maintenant dans les stations Kiwet avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Kiwet. Ah, t'as été très fort Jean-François, parce qu'on t'avait changé les mots dans ta brève sur Roland-Garros. T'as quand même réussi à faire tout ça. Félicitations, t'es un warrior. T'es une bête de scène. 7h34, la météo Jean-François. C'est ça que je me disais, j'étais en train de relire avant la météo. Vous êtes des enfoirés quand même. Pour la météo, des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses sont cependant annoncées principalement sur l'intérieur du pays dans l'après-midi et en soirée. Les maxima températures se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et 28 degrés ailleurs. Fun Radio, alerte trafic. Ah bah ça nous avait manqué les petits problèmes de circulation Jean-François. Et sur la E40 Liège vers Bruxelles entre Asserode et Saint-Stevens-Woluwe, comptez une heure de temps de parcours supplémentaire. Et puis des ralentissements également sur le ring de Bruxelles de Haut-Ittre à Jésus-Eyck entre Genappe et Argenteuil. Et aussi sur le ring de Bruxelles de Haut-Ittre à Forêt entre Woutier-Brenne et Bersol, comptez à chaque fois 20 minutes de temps de parcours supplémentaire. On se retrouve à 8h pour les prochaines infos. Tout de suite c'est le son d'Ins Floor qui est de retour sur Fun Radio avec Sia et Sean Paul. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Dans moins de 15 minutes, Fun. Fabien Feyesh débarque dans Evan et la tribu sur Fun Radio. 6h-9h, du son dance floor et de la déconne. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime me whine and catch it, the selector pull it up and put it on repeat, girl. Up, up, me up, not up, touch up, a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, il est 7h38 sur Fun Radio, je vais vous passer le tout dernier Bob Sinclair dans un instant, il y aura le son de Rochelle, et puis avant 8h, vous découvrirez le nouveau Avicii et Autonose, deux gros DJ internationaux qui vont signer l'un des tubes de l'été, et ça sera tout à l'heure, juste avant 8h. Rappelons la question du jour, Justine, qui vous permet de remporter ce matin votre overboard. Ouais, et quelle est la vitesse maximale de l'overboard? Soit 15 km/h, soit 50 km/h, soit 70 km/h. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un SMS qui commence par le code FUN, FUN, suivi de votre proposition. Tout ça au 63 22. Et si vous êtes rappelé et que vous avez la bonne réponse, vous serez sélectionné pour remporter votre hoverboard ce matin. 7h39, avant de rejoindre Fabien Feillage dans quelques instants, je voudrais qu'on parle juste deux minutes de ciné, parce que j'ai eu la chance d'aller au cinéma hier après-midi et d'aller voir un film que je connaissais pas du tout. J'en ai même peu entendu parler et je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal, je vais y aller avec mon fils. J'ai vu Warcraft hier, je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu autour de la table, rien du tout. T'es au courant que c'est tiré d'un jeu vidéo quand même? Bah, oui, ça je savais, mais le jeu vidéo, comme je suis pas joueur moi-même, j'en avais entendu vaguement parler. Et bah, sans déconner, ça dure 2h04 et j'ai passé un putain de bon moment. C'était vachement bien. 2h04 et tu les vois pas passer, il y a une belle histoire. Alors par contre, dedans il y a des orques, vous savez. Et en fait les orques, ils ont des grosses dents qui sortent de la bouche. Et je me suis quand même demandé si le budget dentiste des orques, c'était pas une plombe. Parce que sans déconner, quand tu vois l'état de leurs dents, sans déconner, il y a du boulot et en plus il y a la grosse taille. Quel film vous avez envie d'aller voir en ce moment ou qui va sortir? Par exemple, moi il y a Independence Day qui va arriver là, cet été. J'ai trop hâte de voir le film. Ouais, faut que j'aille voir X-Men Apocalypse. Ah ouais. Vu aussi la semaine dernière, super bien. Franchement, ça déchire. Ouais, je vous le conseille. Les deux là, alors. Que ce soit X-Men ou Warcraft. Justine, t'as envie d'aller voir quoi toi en ce moment au ciné? Le monde de Dory. Bon, enfin. Le petit poisson dans les mots. Il est sorti. Non, il sort bientôt, mais je sais pas quand. Ça va arriver bientôt. Yolande, au cinéma, toi, tu conseilles quoi? Tu voudrais aller voir quoi? J'aimerais bien aller voir Money Monster. Ah, je vois pas ce que c'est. Avec George Clooney et Julia Roberts. Ouais, évidemment, il y a George Clooney, genre le cliché du beau gosse, alors faut absolument que j'aille voir ça. Jean-François, toi, à part les films de boules, qu'est-ce que tu vas aller voir? Mais moi, c'est comme toi, j'attends avec impatience Independence Day. J'aime bien comme moi de, aussi. De ouais, la bande-annonce, je l'ai encore vue hier avant Warcraft, elle déchire. On va terminer avec le petit Sandro, tu vas aller voir quoi toi prochainement, ou est-ce que tu veux nous conseiller un film? Angry Birds, il paraît que c'est assez mitigé. Ah, je devais aller le voir aussi, puis finalement on est parti sur X-Men. Mais Kilofas nous a envoyé sur X-Men. Mais il y a Omar Sy qui double les voix apparemment. Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous toutes, vous tous, comme film que vous avez vu ou que vous voudriez aller voir? Dites-le nous, SMS 3044. On en recouche juste derrière le son de Bob Sinclair, c'est ce qui arrive maintenant. Et puis Fabien Feillèche arrive dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Le son de la teuf, le son qui réveille ce matin toute la Belgique avec Fun Radio. C'est Evan, c'est la tribu. Gagnez la plus classe des tablettes du marché. Votre tablette Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces grâce à Fun Radio. Toute la semaine, écoutez la libre antenne de Vince de 20h à 23h. Et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue, équipée d'un écran 16/9 Full HD de 18,4 pouces. En envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message. Wow, merci Fun, c'est génial. Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Tu sais quoi? Avec des centaines d'offres imbattables en folder et sur crefel.be, moi je dis champion Crefel. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Bon, cet été en pleine Coupe d'Europe, vous ne serez pas là après le match pour remplacer le hamburger de votre fils par une délicieuse quiche au brocoli. Bah non. Sauf si... vous rentrez dans le snack le plus proche de l'endroit où votre fils regarde le match. Bonjour, un hamburger s'il vous plaît. Et vous prenez discrètement une photo du gérant. Avec ou sans cheese? Vous l'inscrivez sur un site de rencontre de femmes matures et disponibles. Disponible.be. Et vous attendez que les femmes matures et disponibles l'appellent au snack. Pendant qu'il répond aux femmes matures et disponibles... Allô, c'est Sylvia, je suis une femme mature et disponible. Oh, toi? Vous remplacez le hamburger par une délicieuse quiche au brocoli. Mais disponible dans quel sens? Ouais. Vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant, maintenant. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de danois. Une bière, s'il vous plaît. Ich will gerne ein Öl. Santé. School. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Il est 7h46 sur Fun Radio, nous sommes lundi avant 8h, ce sera le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y aura 70€ à gagner pour vous si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Avant 8h également, je vous ferai découvrir le nouveau Avicii et Autonose, deux gros DJ internationaux qui ont travaillé ensemble, et j'ai pour vous à vous faire découvrir le tout dernier single, c'est en exclusivité dans quelques instants. Rappel de la question du jour, Justine pour remporter un overboard ce matin d'une valeur de plus de 300 boules quand même. Ouais, et quelle est la vitesse maximale de l'overboard, soit 15 km/h, soit 50 km/h, soit 70 km/h. Et si vous avez la bonne réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition au 6322. Bonne chance à vous les doudous, 7h47, à suivre le son de Rochelle sur Fun Radio. Fabien Feyesh. À la fin de cette semaine, l'Euro va commencer. Évidemment, on parle de football. Et Justine, toi qui es une spécialiste du football, une spécialiste du sport, tu préfères le regarder plutôt que d'en faire. Est-ce que tu sais ce que sont des matchs amicaux? Des matchs amicaux, c'est des matchs qui comptent pas vraiment, on va dire. Et qui permettent un petit peu aux équipes de s'entraîner. Voilà, juste avant la compétition officielle. Eh bien, Fabien Feyesh, Justine, a trouvé une famille qui s'appelle la famille Amico. Et donc, du coup, il va parler des matchs amicaux. On y va. Fabien Feyesh. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour? Bonjour. Fabien Feyesh, je téléphone. C'est avec vous qu'il faut voir pour les amicaux? Pour? Les amicaux. Les amicaux. C'est qui au téléphone, là? Marie Amico. Oui, ben voilà, oui, parce que moi, je comprends rien là, avec les matchs amicaux, par amicaux. Là, France-Paraguay, c'est quoi? Non, mais attendez, quel rapport avec moi, là? C'est avec vous qu'il faut voir pour les matchs amicaux? Ok, bon, je comprends rien. Bah. Allô? Ouais, coucou. Fabien Feyesh, je suis encore au téléphone. Qu'est-ce qu'on en est là? Il y en a encore beaucoup des matchs amicaux ou pas? Moi je suis paumé, moi. L'équipe de France là, elle fait des matchs amicaux, elle fait pas des matchs amicaux. Là, qu'est-ce qu'elle fait là en ce moment? Non, mais attendez, mais qu'est-ce que j'en sais moi? Mais c'est pas vous qui faites le calendrier? Ah non, c'est pas moi, non, franchement, c'est pas moi, je comprends rien là. Bah, vous pouvez me passer les personnes qui en charge des matchs amicaux? Oh bah oui, c'est sûr, ça doit être mon mari, hein, franchement. Hein? Oui, j'aurais dû lui demander, oui. Ok, bah allez-y, demandez, j'attends. Non, mais attendez, c'est une blague là, arrêtez, je comprends rien. Ah, vous faites une blague? Oui, mais non, c'est vous qui me faites une blague. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai pas que ça à faire. Bah, tata? Elle se paye ma tronche, eh. Allô? Ouais, t'inquiète pas. Tata, attends, je demande. Oui, donc, par rapport au match amicaux de l'équipe de France... Oh, stop. Stop. Arrêtez. Franchement, je veux plus vous entendre. Arrêtez. Ah, y a plus de... Comment ça... Stop. C'est, comment ça? Par rapport à... On stoppe les matchs amicaux? Ouais, on arrête tout. Non, on arrête notre conversation, on arrête les matchs amicaux, on arrête tout. Bah, ouais, tata, il paraît que match amicaux, ouais, c'est terminé. Allô? Ouais. Oh, ma qu'est-ce que t'as les quatre, on va faire un coup, là. Voilà, j'ai rien compris. Va faire un coup, là. Ah, mais alors, tata, ce sera pas des matchs amicaux, ouais, ce sera des matchs en coulo. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feyesh, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio présente la compilation Club & Dance avec Toujamo et Tayo Cruz, Martin Solveig, Boss, Linka et Mondélogé, Basto et Natasha Bedingfield, Oksoun, DJ Flash featuring Kevin Mengi, Magic Cut, Willy William remix dédié, en vente partout. Panos présente les Feux du Four. Go, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio. Fun Radio. Les sons. Dance floor. Your sweet, sweet love, won't you put it on me? Keep me coming, cause you're all that I need. You give me love, I'll give you everything that you want. Sweet love you, love you, love you, be. Keep me coming, coming. parce que votre mère, c'est aussi votre sœur, que vous n'avez pas le droit de bien vous réveiller le matin. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Regardez chez nous, Evan en fait, bah, c'est ma tante. Love me like no one else get you high. No one else get you high. You and I, we're so hard that we fire. We're so hard that we fire. Got you in my bones. I want you but no one knows. I want you but no one knows. All night long. Ce sera juste après le fameux qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti, on y va. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Justine, on va rappeler qu'il y a quelque chose dans la boîte de Khalid qu'on cherche tous ensemble. Il est le seul à savoir ce qu'il a mis dans la boîte. Il y a 70 euros dans la cagnotte actuellement. Et nous allons rappeler l'ensemble des indices et déjà les mauvaises réponses. Nous avons eu maintenant quasi plus d'une semaine où cherchons ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Alors, on sait qu'il y a une fermeture, qu'il y a un couvercle, que ça tient dans la main. Il y a l'indice chapeau, l'indice plat. On sait que ce n'est pas une boîte. Et alors, dans les mauvaises réponses, on a eu pot de compote, tupperware, boîte à bananes ou encore couvercle de confiture. Alors, on va donner un indice peut-être supplémentaire sur Khalid du jambon pour essayer de trouver ce qu'il y a dans la boîte juste avant de découvrir le nouveau Avicii Autonose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour que ça nous fasse avancer un petit peu? Parce que pour l'instant, on est grave dans la panade. Non, ça approche dangereusement d'ailleurs justement l'indice aluminium que Justine avait découvert la semaine passée. Là, on s'approche dangereusement. On y est presque. Bon, allez, attention, c'est à vous de jouer pour 70 euros ce matin. Écoutez comment faire. Vous envoyez le code Evan suivi de votre proposition, tout ça au 6322. Et tu vas voir, les choses sont magnifiques parce que nous allons découvrir maintenant tous ensemble le nouveau Autonose avec Avicii sur Fun Radio. Deux gros DJ internationaux qui signent l'un des tubes de l'été. Vous le découvrez maintenant, ce titre, avant tout le monde sur Fun Radio. Voici Back Where I Belong. Je sais pas si le titre est en entier, mais en tout cas, le titre déchire. It's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've soon you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I've been. Et les doudous, vous venez de découvrir avant tout le monde le nouveau Avicii et Motono. C'est ce que je viens de vous passer à l'instant sur Fun Radio. Quasi 8h, nous allons revenir sur le casquier dans la boîte de Khalid. Rappel des indices, Justine, pour 70 euros ce matin dans la cagnotte. Alors, il y a une fermeture, c'est un contenant, c'est plat, ça se met en poche, ça n'est pas mou, ça ne coûte pas cher et puis aussi c'est indispensable à la vie de tous les jours. Ritza, dans un instant, est au Jameau pour le son Dance Floor et Frédéric est avec nous, 36 ans de Farcienne. Bonjour Frédéric. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Bienvenue à toi sur Fun Radio en ce lundi matin. Quelle est ta proposition de réponse quant à ce qu'il y a dans la boîte de Khalid pour 70 euros? Ma proposition, j'avais pensé au dessous de couvercle du pot de Nutella en aluminium. Celui qu'il y a entre le dessous. Quand on ouvre le couvercle, il y a l'aluminium qui est collé sur le pot de Nutella. Ah oui, pas con. Ouais, je vois bien, c'est très intelligent en tout cas comme réflexion. Frédéric, nous allons poser la question à Sœur Kelly du Jambon. Est-ce la proposition de Frédéric, est-ce la bonne réponse? Alors, c'est la bonne réponse, mais pas complète. Je peux pas l'accepter, malheureusement. Ah, elle est à 80% juste. Vraiment. Mais est-ce que ça concerne le Nutella? Bah non, justement. Ah, tu fais ça bien. Tu peux le refaire, c'est génial. Je fais un démarrage en côte. Je vais refaire ça avec mauvaise réponse. Vraiment, c'est génial. Ok, c'est noté. Je fais ça jusqu'à la fin de la saison. Frédéric, tu as bien fait avancer ce matin le caissier dans la bobade. Si tu as une autre proposition, tu peux rejouer pour demain sans aucun problème. Puisque c'est pas trouvé, je rajoute 10 euros dans la cagnotte ce matin, ça nous fait 80 euros pour demain. Donc pour jouer, si vous pensez savoir ce qu'il y a dans la boîte de Khalid, vous envoyez Evan EVN, suivi de votre proposition de réponse, tout ça au 6322. Il y a 80 euros maintenant mis en jeu dans la boîte. Il est 8h01 sur Fun Radio, bonjour. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Dans moins de 10 minutes, on vous rappellera l'adresse du petit déj gratos. Ce matin, on est du côté d'Anderlu, mais d'abord 8h01, on passe à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Après son succès en Suisse et son partage mercredi dernier face à la Finlande, la Belgique n'a pas vraiment rassuré ses supporters. À quelques jours du début de l'Euro, les Diables Rouges, rapidement mis sur orbite par un but de Lukaku, ont ensuite peiné à faire la différence hier face à la Norvège, qui a égalisé, qui a même réussi à mener à la marque en début de seconde période. C'est finalement grâce à Eden Hazard et au revenant Laurent Simon que les Diables se sont imposés 3-2. Demain, ils prennent l'avion et la direction de Bordeaux. Ils établiront leur camp de base avant leur entrée dans le tournoi prévu lundi prochain face à l'Italie. La grève dans les transports en commun du Hainaut n'est pas terminée. Il n'y a plus de piquets au dépôt de Gilles et de Mons, mais des perturbations sont encore à craindre. Ainsi, à Mons, seuls 19% des services sont assurés. Pas de piquets non plus à Louvière, où 32 services sur 37 sont assurés ce matin, soit près de 8 bus sur 10. Au Teck-Charleroi, par contre, les dépôts sont bloqués par des pneus et aucun bus n'est sorti. En quelques perturbations aussi, à Tournai et Moucron, ce matin, un tiers des bus de la Teck roule dans le Tournaisis. À Moucron, 90% des chauffeurs ont pris leur service. Aucune autre perturbation n'est à noter sur le réseau wallon. Trois personnes sont décédées dans une collision entre deux trains à Ermalsoui hier soir. Neuf personnes sont également blessées à des degrés divers et 27 autres passagers ont été pris en charge. Le train de marchandises qui ne transportait pas de substances dangereuses a été heurté par un train de voyageurs alors qu'il était à l'arrêt. Les enquêteurs envoyés sur les lieux du tragique accident se font très discrets. Ils n'écartent pour l'instant aucune piste et n'ont pas émis la moindre hypothèse de façon officielle. On sait néanmoins que la ligne sur laquelle circulaient les deux trains a connu quelques perturbations hier. Des problèmes de signalisation sont survenus en lien avec la foudre, mais les problèmes ont été rétablis moins de deux heures avant l'accident. Le temps n'est pas vraiment agréable ces derniers jours. Nous avons eu droit à beaucoup de pluie et ça va malheureusement continuer encore quelques jours avec même des orages qui pourraient être intenses. Hier, des inondations ont été enregistrées à Érosé, dans la commune limitrophe de Manet, au nord de la province de Luxembourg. La commune de Combin-au-Pont, en province de Liège, a aussi été très touchée, de même que le nord de la Flandre orientale. La grêle a fait pas mal de dégâts par endroits et les pompiers ont été appelés à de nombreux endroits pour pomper l'eau dans les caves ou encore installer des sacs de sable. On espère un retour à la normale très rapidement. Fun. Fun Radio. Maintenant dans les stations Q est avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Q. Dans un instant sur Fun Radio, le son de Ritza, il y aura tout Jameau également. Et puis nous allons jouer ensemble pour essayer de vous faire remporter votre overboard ce matin d'une valeur de plus de 300 euros. On termine ce flash avec la météo, Jean-François. Des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses sont annoncées principalement sur l'intérieur du pays dans l'après-midi et la soirée. Côté température, les maxima se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et 28 degrés ailleurs. Et puis demain et mercredi, les périodes ensoleillées vont alterner avec les averses orageuses avant un retour d'un temps plus sec à partir de jeudi. Prochain rendez-vous de l'info à 8h30 et tout de suite le son Dance Floor est de retour sur Fun avec Ritza. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Réveillez-vous comme vous êtes. Evan et la tribu. 6h, 9h. Sur Fun Radio. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est le regard qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Rien ne me blesse, tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. Je m'en fous. 8h08 sur Fun Radio. Bonjour les amours, c'est Evan, c'est la tribu. On est ensemble jusqu'à 9h et on se réveille ce matin, on se lundi 6 juin. Bonjour. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, et le monde de Day Corner. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien avant les boulots. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, une bande de connards. Et ben de la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien avant le boulot. On est là ce matin pour vous réveiller, vous sortir du lit avec du son dancefloor, de la déconne et du gros cadeau ce matin. Il vous reste 5 minutes pour être sélectionné, pour tenter de remporter votre hoverboard qui coûte plus de 300€ ce matin grâce à la question de Justine. Et quelle est la vitesse maximale de l'hoverboard? On vous l'a dit tout à l'heure, soit 15 km/h, soit 50, soit 70 km/h. Si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition au 6322. Hein, bah si on vous l'a dit, quand même, c'est facile. Hein, bah oui. Quand même, on en l'a plus, dit, ça alors... se trouve facilement sur Google, donc c'est vraiment donné quoi. Alors ça dépend, parce que si l'hoverboard a un moteur TDI 90 chevaux et qu'il a bien été débridé, il peut carburer bien. Hein, donc ça dépend de la façon dont vous avez un petit peu changé le moteur de l'hoverboard. Bonne chance à vous, on va faire sonner chez vous dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Pour la suite du son, tout jamais, c'est ce qui arrive. Il y aura Enrique Iglesias également qui sera là, le son soleil. Peut-être enfin va-t-il arriver cet été qu'on attend tant avec impatience cette semaine sur Fun Radio. On aura des nouvelles de la météo tout à l'heure à 8h30. Ce sera avec Jean-François. Et puis avant 8h30, on sera également le jeu de l'actu en compagnie de Khalid. La nif du jour. On a-t-il la gamine des anniversaires de Star ce matin? Alors, pas à ma connaissance, non. La gamine. Ah, bon, d'accord. Bon anniversaire si vous êtes né un 6 juin. C'est le cas d'un jeune garçon que nous allons appeler immédiatement. Faites sonner au standard. Ouais, j'aime bien, ça se dit des fois la gamine dans les prés. Hein, la gamine. Ouais. La gamine, ah, ouais, la gamine. Elle est en forme, la gamine. Mais jusqu'à quel âge on peut la traiter de gamine comme ça? Justine, 60-65. Ah, dis donc, si, c'est l'anniversaire de Faudel. Et l'anniversaire du roi aussi. Hein. Ah, ah ouais, bah, ouais, enfin, un peu moins important que Faudel quand même. Il chante moins bien. Qu'est-ce qu'il chantait, Faudel? Mon pays. Bonjour, je suis Faudel, je suis pas là pour un moment. Alors, j'essaie de me rappeler dès que je suis là. Merci. Oh, c'est mignon. Oh merde, je laisse un message. Ça a sonné? Il n'y a pas le bip? Il est quand le bip? Allô? Ah, voilà. T'as le bip qui arrive 2 minutes après. Bonjour Hugo, c'est Evan, c'est la tribu. Nous sommes en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour te souhaiter un bon anniversaire. Pour te souhaiter un bon anniversaire pour tes 10 ans. Bon, déjà, t'as un GSM à 10 ans. C'est pas trop top, ça va falloir que je parle avec tes parents. Bon anniversaire de la part de ton papa, Gaël. Et il faut savoir, les enfants, que Hugo, c'est un spécialiste des 6 parce qu'il est né le 6 juin 2006, donc 3-6 dans sa date de naissance. Il est le 6e, la 6e naissance de la clinique le jour où il est né. Et c'est le 6e arrière-petit-fils de son arrière-grand-père. C'est fou, hein? C'est ça, quand personne. Il y a que des 6 dans toutes les sens. Le roi des 6. Alors ça lui prédit peut-être d'avoir lui aussi 6 femmes ou 6 enfants ou 6 animaux de compagnie. En tout cas, bon anniversaire à toi, mon petit Hugo. C'est l'heure de manger sur Fun Radio, 8h12. Petit déj gratos sur Fun Radio. C'est moi ou l'ordinateur est dans ce matin? Tout tu peux. Justine, on est où ce matin pour le petit déj? Alors on est à Anderlu, vous allez chaussée de Mons, numéro 310C. C'est la boulangerie Thirion qui vous offre un pain au chocolat ou un croissant par personne. Voilà, vous allez directement à Anderlu ce matin voir le petit déj gratos jusqu'à 10h. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, elle est comme d'hab sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Dans un instant, je vais appeler l'un ou l'une d'entre vous pour lui offrir l'hoverboard mis en jeu depuis 6h ce matin. Vous allez tenter de gagner votre participation pour gagner, remporter l'hoverboard qui déchire tout. Tout le monde, hein, veut un hoverboard en ce moment, que ce soit les petits, les grands et même les grands-parents. Facile pour l'héritage quand on leur offre ça, c'est bien. There's booty everywhere, up and down and round and round. I'm looking around and there's booty everywhere, up and down and round and round. She got one that I like, she got one I like too. She moving it just right, she moving it right too. I'm looking around and there's booty everywhere, up and down and round and round. up and down and round I'm looking around and there's booty everywhere Up and down and round She got one that I like, she got one I like too She moving it just right, she moving it right too I'm looking around and there's booty everywhere Sur Fun Radio, dans un instant, ça sera le jeu de l'actu avec Sir Khalid du Jambon. Il va nous proposer des actus plus ou moins insolites, drôles, marrantes qu'il a découvert ce week-end. On va essayer de jouer avec lui. D'abord, nous allons appeler l'un ou l'une d'entre vous pour essayer de lui offrir son overboard ce matin. Vous deviez répondre à cette question, Justine. Quelle est la vitesse maximale de l'overboard ? Soit 15, soit 50, soit 70 km/h. Pendant qu'on fait sonner chez l'un ou l'une d'entre vous, je vous fais écouter le son qui arrive dans un instant. Ça sera Enrique Iglesias, le son soleil. C'est un C'est Supermercado. Merci, vous êtes superbe. Merci. Ça sonne. Ça va sinon, ça va tout le monde. Ça va, c'est pas trop dur le premier jour du Ramadan là, Khalid. Ah bah écoute, apparemment je suis pas le seul à le faire visiblement. Parce qu'ils sont tous, mous du genou. Qu'est-ce qui vous arrive les gars? Non, ça va. Dis, je te vois te mou du genou, bah arrête. Fais la tête Jean-François, comme d'hab. Je me concentre pour mon tournoi de tennis. Caresse-toi. Oh non. Chut. Enregistrez votre message après le signal sonore. Ah, et vous êtes chiant ce matin. Il suffit de raccrocher. Oh, chut, calme. Au revoir. Oui, bonjour à toi, qui que tu sois. C'est Evan, c'est la tribu. Nous sommes en direct sur Fun Radio. Je t'appelais pour répondre à la question et te permettre de tenter de remporter ton overboard. Malheureusement, tu n'as pas décroché. Ça veut dire que c'est... Bon, les amours. Eh ben on va relancer la petite sélection, hein. Rappel de la question, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, ça va, pas de soucis. Pour les autres, eh bien vous pouvez encore tenter votre chance pour essayer d'être rappelé dans quelques instants. Justine, rappel de la question en speed. Et quelle est la vitesse maximale de l'overboard ? Soit 15, soit 50, soit 70 km/h. Vous envoyez le code FUN suivi de votre proposition au 6322. Bonne chance à vous. L'overboard a gagné toute cette semaine entre 6h et 9h. Tout le monde en veut un. Et ce sera peut-être pour vous aujourd'hui que ça va tomber cet overboard. 6h, non, 8h17, pardon. Voici Enrique Iglesias. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bye. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Ah, c'est pas étonnant que toutes les filles elles craquent pour Enrique Iglesias avec la voix qu'il a. Je viens de vous le passer à l'instant. Il y aura Mathieu Canabi dans quelques instants. Nous allons jouer maintenant à 8h21 au jeu de l'actu. Les doudous, c'est parti. Le jeu de l'actu. Et c'est Sœur Kelly du Jambon qui nous propose le jeu de l'actu ce matin. Il va essayer de nous faire deviner des infos qu'il a découvertes ce week-end. Vont jouer autour de la table Yolande, Justine, Jean-François et moi-même. Attention, top pour la première actu. Et pour la première info, on décolle pour Glasgow en Écosse où, appelé pour une bagarre, un policier a fait un truc de malade. Qu'a-t-il fait à votre avis ? À Glasgow, ouais. N'oubliez pas de buzzer avec votre prénom, Evan. Pour une bagarre, il a aspergé comme on fait avec les chiens d'eau les mecs qui se battaient. Non, il a fait un truc plus sympa que ça. Yolande. Plus sympa que ça. Oui, Yolande. Il a joué de la cornemuse. Pas loin. C'était en Écosse. Ouais, il était en jupe, il a soulevé sa jupe, il avait pas de slip, il a montré ses coucougnettes. Mauvaise réponse, non, c'est pas ça du tout. Attention, il reste 10 secondes. Il a fait un truc sympa. Hein. Il a offert de la bière. Non, pas du tout. Non, il y a une bagarre, il m'a envie de la. Non, pas ça. Ah bah quoi, avec des pochetrons, ça peut marcher. Hein, t'as avec deux verres, le mec qui s'arrête. Hein. Fini. Alors, c'était quoi la bonne réponse? Alors, donc, ils ont été appelés pour une bagarre dans un pub. Ils ont tous débarqué. Alors, le policier a pris le micro pour appeler la patronne. Et tous les gens lui ont demandé une chanson, une chanson, une chanson. Et le mec a fait un karaoké. Franchement, véridique, il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne, je la posterai sur la page de l'émission. Il a chanté Gloria Gaynor, I Will Survive. Hey, c'est pas génial ça. Et donc tout le peuple était, donc plus de bagarre, plus rien, tout le monde est content. Et ils l'ont tous applaudi, c'était génial. Ah, il a calmé tout le monde avec une chanson. Je trouve ça génial. Bravo, c'est royal. Très belle info. En tout cas, ça, c'est vraiment, franchement, c'est très bien, ça se termine bien. 8h22, voici la deuxième actu du jour. Cette fois-ci, on va du côté de Cleveland, dans l'Ohio, c'est difficile à dire, c'est aux États-Unis. En passant par la tête par la fenêtre de chez elle, une femme a filmé un truc complètement inattendu. Quoi donc, à votre avis ? Justine, allez, 20 secondes, c'est parti. Est-ce que c'est un rapport avec un animal ? Pas du tout. Est-ce que c'est pas un truc avec des voitures qu'on a vu tomber d'un parking au travers des vitres ? Je valide la réponse, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. Wow. Attends, elle a filmé sans le savoir un extrait de Fast and Furious 8. Ah oui, j'ai en vu. Plein tournage. Ah ouais. C'est génial ça. Ah, donc la meuf, du coup, la vidéo existe du coup. La vidéo extrait, existe, c'est ça, ouais. Je peux la poster aussi sur la page Facebook, c'est génial. Ouais. On voit la meuf, elle se dit oh mon dieu, c'est it's amazing, c'est génial. Donc vraiment, c'est génial comme info. Un point pour Jean-François. Nous allons faire venir maintenant les auditeurs jusqu'à nous. Alors, pas au studio, hein, venez pas au studio, mais en tout cas par SMS pour jouer avec cette troisième actu, Khalid. Et là, on va à Kushadasi en Turquie, où les autorités turques ont fait un truc de dingue pour booster le tourisme dans la région. Qu'ont-ils fait ? Alors, pour booster le tourisme dans la région en Turquie, qu'ont-ils fait ? C'est la question qu'on vous pose maintenant pour essayer de repartir avec du cadeau Fun Radio. Vous jouez par SMS au 3044. Est-ce que tu peux donner quand même un indice ? Parce que c'est assez vague là. Hein. Ok, glou glou. D'accord. C'est un truc sous l'eau. C'est un truc sous l'eau. Ok. Ah, ma glouglou, j'ai tout de suite pensé à des canards. Hein. Glouglou, tu sais les. Glouglou. Ça s'appelle les dindons. Les dindons qui font glougloute. Glougloute. C'est ça. Ouais, voilà, okay. Exactement. SMS 3044. Si vous pensez avoir la bonne réponse, on voit ça juste après Mathieu Cannabis et Miss California qui arrive. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Allez, allez, allez. Audrey dans la place. Wesh, gros. Fab est dans la place. Et il n'y a plus de place. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sont mises à condition réservées aux particuliers. Fun Radio. Fun Radio. Les sons. Yes. Dance floor. Avec des canards qu'on va vous empêcher de bien vous réveiller. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Au contraire, ici, on adore les canards. Hein Evan, quoi quoi. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. 8h30 sur Fun Radio. Rappel dans le jeu de l'actu, de cette actu que nous cherchons ce matin pour repartir avec du cadeau. Jeu de l'actu proposé par Khalid. C'était quoi cette actu, Doudou? Les autorités turques ont fait un truc de dingue pour booster le tourisme dans la région de Kouchadassi. Alors, on avait un indice que tu avais donné, c'était lequel? C'était glouglou, c'est-à-dire c'était sous l'eau. Tout simplement. Allez, SMS 3044, il vous reste 3 minutes pour jouer avec nous. Et puis une infotrafic qui vient de débarquer, Khalid. Oui, elle vient de débarquer, c'est tout frais, tout chaud. Ça chauffe, je suis en train de chercher l'info parce que j'ai dû changer de page. Alors, j'ai voiture de police juste après le tournant de Halle pour rentrer sur le ring. Plus circulation abondante. Ariane, courage à tous, jusqu'à 28 degrés, sérieux. Pff. Voilà. Ouais, ça... c'est la météo. On en reparlera dans un instant avec Jean-François, Major Lazer pour la suite du son et Papa Noël. Voilà ce qui arrive. Et bienvenue tout le monde sur Fun Radio, il est 8h31, on passe tout de suite à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une enquête judiciaire est ouverte au sujet de l'accident ferroviaire survenu hier soir dans la commune de Saint-Georges-sur-Meuse. Les enquêteurs et les experts sont présents sur place. L'enquête judiciaire sur base de coups et blessures involontaires ayant donné la mort sans l'intention de la donner est ouverte au sujet de cet accident qui a fait 3 morts et 9 blessés selon un bilan provisoire. Il s'agit de déterminer les causes et les responsabilités éventuelles de cet accident. À l'heure actuelle, pour les besoins de l'enquête, les 4 voies ferrées sont bloqués. Un hélicoptère doit en outre prendre des photos sur le lieu de l'accident. Les voies pourront ensuite être déblayées et libérées. Les embouteillages se sont formés sur la E40 entre Louvain et Bruxelles en raison d'un accident survenu à Woluwe-Saint-Étienne où 3 voitures sont entrées en collision ce matin. L'accident n'a provoqué aucun dégât matériel. Le trafic a pu reprendre vers 7h45, mais les embouteillages étaient entre-temps déjà formés depuis Boutersem. La grève dans le transport en commun à Luéno n'est pas terminée. Ainsi à Mons, l'un bus sur 5 roule ce matin. Pas de piquet du côté de la Louvière où 8 bus sur 10 roulent au Tech Charleroi. Les dépôts sont bloqués par les pneus et aucun bus n'est sorti. Quelques perturbations sont encore à noter à Tournai. Du côté de Moucron ailleurs, les transports en commun roulent normalement. Aucun blocage des transporteurs n'est signalé sur la route ce matin. Plusieurs transporteurs, principalement affiliés au syndicat des indépendants, avaient prévu de mener une action de blocage à différentes frontières du pays à partir d'hier soir 22h. Les chauffeurs disant avoir ras-le-bol et avaient prévenu que l'action risquait de durer. Ces transporteurs routiers entendaient protester contre la fameuse taxe kilométrique. D'importantes opérations avaient déjà eu lieu en début du mois d'avril au moment de l'entrée en vigueur de cette taxe sur les autoroutes et les principales routes belges. Mais donc il n'y a aucune action ce matin. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Finances, Yann Van Overveld, s'est envolé hier pour New York avec pour mission de promouvoir la Belgique auprès des investisseurs, de mettre Bruxelles sur la carte comme centre financier et redorer l'image du pays. Le ministre a prévu des entrevues avec diverses multinationales, parmi lesquelles Mastercard, afin de convaincre celle-ci de rapatrier les fonds de pension vers la Belgique. Yann Van Overveld débutera sa visite par une rencontre aujourd'hui avec des entrepreneurs belges établis à New York. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire que Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, a remporté les internationaux de France à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Il a pris la mesure du Britannique Andy Murray, deuxième joueur du monde, en 4-7. C'est le 65e titre ATP de la carrière de Djokovic et aussi le 6e cette année. Et puis chez les dames, c'est l'Espagnol Muguruza qui a inscrit son nom au palmarès en s'offrant le scalp de la numéro 1 mondiale Serena Williams. Allez météo Jean-François, est-ce qu'on aura jusqu'à 28 degrés alors? Des périodes ensoleillées sont attendues, mais des averses orageuses sont cependant annoncées principalement sur l'intérieur du pays dans l'après-midi et la soirée. Les maxima se situeront autour de 21 degrés au littoral et entre 23 et 28 degrés ailleurs. Et puis demain et mercredi, les périodes ensoleillées alterneront avec des averses orageuses. Allez. Un tour d'un temps plus sec jeudi. Non, je t'ai distrait parce que je n'avais pas le titre de la chanson, mais je pense que c'est Pepe Nourish qu'on va écouter sur Fun. Bien, oui, bravo, vous êtes superbe. Kidesh gratos. Déconne et son dance floor, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Away. Il est 8h37 sur Fun Radio. Justine, j'ai trouvé une étude qui te concerne. Oui. Les 16-24 ans passent du temps, on le sait, tous les jours sur le portable. Et il y a une étude qui a été faite pour exactement savoir combien les 16-24 ans passent de temps sur leur GSM. On en parlera juste avant 9h. On va voir si toi, t'es dans la moyenne, si t'es en dessous, si t'es au-dessus. Hein, tu passes combien de temps, toi, à peu près, par jour? Je sais pas, mais toutes les heures, je suis dessus, d'office. À vue de nez, comme ça, si tu devais dire un chiffre en heures, tu dirais combien de temps? Je dirais 6 heures. 6 heures pour toi, eh bien on va voir si tu es au-dessus de la moyenne, en dessous ou vraiment pile poil dans la moyenne des 16-24 qui passent du temps tous les jours sur leur portable. On parlera de cette étude. Rappelle également la question du jour qui vous permet de remporter ce matin un hoverboard qui est mis en jeu et qu'on fera tomber cette semaine. Évidemment, il y en a à gagner quasi tous les jours. Quelle est la vitesse maximale de l'hoverboard? Soit 15 km/h, soit 50, soit 70 km/h. Et si vous avez la bonne réponse, vous envoyez le code FUN, F-U-N, suivi de votre proposition au 63-22. Allez, bonne chance à vous. On va revenir sur le jeu de l'actu et sur Kelly Dujambon qui nous proposait ce matin une actualité qu'il fallait découvrir. On était en Turquie. Oui, c'est ça. Donc les autorités turques ont fait un truc de dingue pour booster le tourisme dans la région. Qu'ont-ils fait à votre avis? Bruno, 27 ans, de Wavre, est avec nous. Oui, je sais, ma voix a dérapé, ça fait rire toujours, c'est amusant. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, bonjour Evan, bonjour la tribu. Bonjour mon Bruno, le week-end s'est bien passé? Oui, très bien, en soleil, très bien, parfait. T'as bronzé. Est-ce que c'était toi, Bruno, qui bronzait en string dans son jardin ce week-end? Quoi, il y a des photos qui... Oui. Non, lui, il était nu. Ouais. Non, moi, je l'ai vu, il y a un string rose magnifique. Vraiment, Bruno, ça te va à ravir. À ceci près que tu devrais te faire épiler les fesses parce que c'est un peu trop poilu à notre goût. Voilà. Mais sinon, le top, c'est parfait. C'était vraiment au top du top. Bruno. Les filles mettent bien les poils, mais bon. Oh. Les filles, oui, mais moi, non. Bruno, mon Bruno, tu penses qu'il s'est passé quoi alors en Turquie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour booster le tourisme? C'est ce qu'on cherche dans le jeu de l'actu ce matin. Ils ont fait couler un avion, un Boeing, dans la mer pour promouvoir le tourisme de la plongée sous-marine. Ça paraît incroyable. Sœur Kelly du Jambon, est-ce la bonne réponse? C'est un Airbus A300 qu'ils ont fait couler. C'est une excellente réponse. Bravo! Ouais. Bravo, moi, j'aurais pas trouvé. J'ai pas vu l'info, j'aurais pas trouvé. Ça te mérite quand même un peu de détails parce que tu dis que c'est quand même dingue de couler un avion volontairement dans la mer, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, apparemment, c'est un Airbus A300 qui date, tu vois, il a 36 ans d'âge, on va dire. Et donc, c'était un avion qui ne volait plus, évidemment. Donc, ils l'ont fait couler. Tu sais, il y a beaucoup de plongeurs sous-marins qui vont souvent dans des épaves, tu sais, comme le Titanic, etc. Et ben, ça, ils se sont dit, on a un A300, on y va, on va aller chercher l'avion sous l'eau. C'est génial, ça, quand même. Ah, des plongeurs sous-marins, je t'adore, Khalid. C'est parce que c'est le ramadan qui commence aujourd'hui. Il y a tous les filles qui se touchent, le pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Des plongeurs sous-marins, ça se dit, non? Non, mais ça me fait rire. C'est en fait, des plongeurs sous-marins. Et alors, tu peux être un plongeur à la cuisine, hein. Ah-ha. Oh, ça va, Johnny, mauvaise foi. Je suis une mauvaise foi. Je suis une mauvaise foi. Je suis une mauvaise foi. C'est le ramadan. C'est l'hymne du ramadan, il est trop fort. Il est trop fort. Ah ouais, ce sera ce soir. Ce soir à 21h54, on va bouffer. On va manger des pâtisseries avec plein d'huile. Mais non, pas de l'huile, du sucre et du miel, surtout. Et de l'huile d'olive. On va s'engrosser. Ok, c'est bon, on enchaîne. On enchaîne. Bruno, félicitations, tu repars avec un cadeau à gérer avec Yolando Standard. Merci. Je te fais des gros bisous. Et si tu penses à nous envoyer quelques photos de toi épilé avec ton string, ça nous fera du bien. D'accord? Bisous mon Bruno, à très vite, je t'embrasse mon doudou. 8h41, on va faire circuler toute cette info et le jeu de l'actu. Jeu de l'actu très bien d'ailleurs, Khalid, félicitations. Merci. C'est parce que c'est le début du ramadan, mais vraiment t'as été au top aujourd'hui. Merci. On met tout ça sur le Facebook de l'émission et Fun et la tribu. Mais genre les heures, c'est ce que je vous annonce maintenant avec la voix d'Ariana Grande. Et juste après, on parlera des 16-24 ans qui passent beaucoup de temps sur leur portable. Ah non? Ah bon, je savais pas, dis donc. moitié que je suis, même loin d'être presque parfait. Que sur le chemin, le plus dur reste à faire. Oh mon amour, je ne veux plus de ton amour. Fini, tout est fini. Je ne te reverrai sûrement jamais. Je préfère souffrir que de faire subir mes sentiments sont sans intérêt. Je te donnerai sur Fun Radio. Bonjour à vous et bienvenue. Nous sommes lundi, début de semaine qui redémarre avec toute la team Fun Radio. C'est Evan, c'est la tribu. Il y a le Snapchat de l'émission, il y a le Facebook évidemment. Et vos SMS au 3044. Dans un instant, Maître Gims va débarquer et nous allons découvrir ensemble, d'après une étude, ce que font les 16-24 ans qui passent beaucoup de temps sur leur GSM. Mais avant cela, on va jouer tous ensemble. Alors, Justine, toi, c'est 22 ans hein, que tu as, je me trompe pas. Hein. Donc, tu es pile poil dans l'étude. Sandro également, hein, qui est dans l'étude. Alors après, pour les plus vieux de la bande, que ce soit moi, Jean-François ou Yolande, on n'est pas vraiment dans la même situation. Donc, on va vous faire jouer ensemble et les auditeurs également. Je vais vous demander, d'après vous, en moyenne, combien de temps passent les 16-24 ans sur leur GSM, d'après cette étude qu'on va révéler dans quelques minutes. Donc, pour toi, Justine, c'est 6 heures, près plus ou moins. 6 heures. Ok, Yolande. Oh là là, bah, toute la journée, on va dire 8 heures. Il s'agit d'estimer hein, le temps que passent en moyenne les 16-24 ans sur leur GSM. Donc toi, tu dis 8 heures. Jean-François, tu dis combien ? Moi, je dis 4 heures. 4 heures, très bien. Et Sandro à l'area ? Moi, je dis 24 heures. Je passe ma vie sur mon téléphone. Ah bah, ouais, toi, c'est à part quand tu dors, t'es tout le temps dessus, quoi. C'est vrai. Ah non, mais même quand je dors, hein, je l'ai dans la main et... entre deux rêves, je réponds et puis voilà. Non mais le paradoxe avec Sandro, c'est que même quand il est dans l'intimité avec sa copine, il continue d'envoyer des SMS. C'est bah, ça bien, bien évidemment, j'envoie des tweets, je suis connecté, j'écoute la radio, tout va bien. Il nous tient au courant en temps et en heure de ce qu'il est en train de faire. Alors c'est vous qui allez jouer maintenant. À votre avis, combien de temps passe en moyenne les 16-24 ans sur leur GSM? On va voir qui de l'équipe a réussi à trouver la bonne réponse et qui s'est approché au plus près. Vos réponses 30-44 dès maintenant. Et on voit ça juste après. Maître Gims, c'est Zoom Zoom que je vous ai calé. Zoom Zoom. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. En tant qu'indépendant, vous cherchez toujours les prix les plus compétitifs. Mais vous ne transigez jamais sur la qualité. Oui, d'accord. Mais à prix plancher. Le prix ne fait pas tout. Et pour votre entreprise, vous êtes prêt à investir. C'est pourquoi Volkswagen a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startline a seulement 10 990 euros hors TVA. Non, c'est Volkswagen qui a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startup, avec Airco, radio, vitres et rétroélectrique, a seulement 11 990 euros hors TVA. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen utilitaire. Pour acheter le Cadivan Startup. Ah non, le Startline. Le Startup. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. C'est pas parce que tu portes des leggings léopard et que tu ne t'épiles plus depuis la rentrée que t'as pas le droit d'écouter la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Evan et la tribu, réveillez-vous comme vous êtes. Et ton fils, bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, boom. Elle a jeté son cœur en fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le complément n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le 6-5. Radio 8h54, à suivre juste avant 9h le son de Matin et Café Del Mar 2016. Il déchire tout ce son, hein. Le son qui réveille, le son Dance Floor de Fun Radio, le son de l'été, le son de la teuf. Et cette question ce matin, combien de temps les 16-24 ans passent-ils par jour en moyenne devant leur portable, sur leur portable, sur leur GSM? On en recose dans un instant. D'abord, il y a un message pour Jean-François à l'info, la météo, l'infotrafic. Jean-François, question, c'est quoi un accident, celui de Woluwe et Saint-Etienne, impliquant 3 voitures et n'ayant engendrer aucun dégât matériel? Non. Bonne journée pour quand tu seras réveillé. Smiley, c'est pas signé comme SMS, mais c'est drôle. J'ai bien dit n'ayant engendré que des dégâts matériels, mais bon, c'est pas grave. Je ferai attention la prochaine fois, c'est promis, je serai réveillé pour 9h, c'est promis. Mais tu vois que les auditeurs sont. Non, c'est bien, c'est bien. Très, très au taquet. Hein. Voilà, au moins, j'ai quelqu'un qui écoute mes infos. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, combien de temps les 16-24 ans passent-ils toute la journée sur leur GSM? C'est une étude qui est sortie. On va en parler dans 2 secondes. Rappelez chacun combien vous avez dit, Justine. 6h. Yolande. 8h. Jean-François. 4h. Et Sandro. 24h. Et la bonne réponse, eh bien, c'est Jean-François qui l'a, puisque les 16-24 ans passent près de 4 heures par jour sur leur GSM. Hein, c'est la moyenne qui a été faite. Donc bravo Jean-François, tu ne remportes rien, sauf l'honneur, le fait d'avoir effectivement trouvé la bonne réponse. Et alors, bisou, on va essayer de détailler ça. Bah, de ma part non, hein, parce que tu piques en ce moment. Mais si Justine veut remplacer, il n'y a pas de souci. Justine, tu veux bien lui faire le bisou? Oui, je vais le faire. Non, mais elle pique aussi. Ah, c'est le problème de la moustache. Hein. Alors, le temps passé devant un téléphone portable atteint donc désormais 3h46 minutes, donc près de 4h. Hein. C'est le 12e baromètre de la santé visuelle qui a été réalisé pour le compte d'une association nationale pour l'amélioration de la vue. D'accord. Alors, plus globalement, vous allez comprendre, les 16-24 ans, en fait, sont sollicités au niveau de la vue près de 7h54 par jour, contre l'année dernière, c'était 9h24. Donc, en fait, il y a une petite baisse. Alors, pour vous préciser tout ça, ils passent 3h08 devant un écran d'ordinateur, 1h35 devant la télé, 1h20 à lire un journal, une revue ou un livre. Donc ça, je pense pas que ce soit pour l'équipe. Et 54 minutes à regarder l'écran, par exemple, d'une tablette ou d'un ordinateur. Alors, est-ce que ça vous semble incroyable, cette étude, ou pour vous, ça vous paraît totalement normal ou inquiétant? Voilà, je voulais juste avoir votre opinion avant qu'on envoie le son du Café Del Mar. Justine. Bah, pour moi, c'est en accord avec la génération, donc normal. Donc il faut, ça va continuer comme ça à ton avis. Oui, et même pense. Plus, ça va augmenter, ouais. C'est quasiment certain. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous, par exemple, il y a ce SMS qui vient d'arriver et qui me dit, moi quand mon cousin me sonne, quand je fais un câlin, je réponds au téléphone, c'est signé Roy. Ah bah d'accord, on comprend pourquoi le téléphone portable est dans la vie de tous les jours. Voici Café Del Mar 2016 sur Fun. Dans un instant, Will.i.am sur Fun Radio avec Piyamia et je vais vous faire découvrir en exclusivité le tout nouveau Alan Walker, artiste Fun Radio. Ce nouveau single est à découvrir là dans 5 minutes. Il y aura le petit-déj gratos également du côté d'Anderlu. Il est 9h, bonjour. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Petit rappel de la question pour repartir avec votre overboard. Quelle est la vitesse maximale de l'overboard? Soit 15, soit 50, soit 70 km/h. Et si vous avez la réponse, vous envoyez le code FUN suivi de votre proposition au 6322. On tire quelqu'un au sort dans moins de 10 minutes. Mais juste avant, il est 9h, c'est les infos avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Aucun blocage des transporteurs n'est signalé sur les routes ce matin. Plusieurs transporteurs, principalement affiliés au syndicat des indépendants, avaient prévu de mener une action de blocage à différentes frontières du pays à partir d'hier soir 22h. Les chauffeurs disaient en avoir ras-le-bol et avaient prévenu que l'action risquait de durer. Les transporteurs routiers entendaient protester contre la taxe kilométrique. D'importantes opérations avaient déjà eu lieu au début du mois d'avril, au moment de l'entrée en vigueur de la taxe sur les autoroutes et principales routes de Belgique. Mais donc aucun mouvement ce matin. La grève dans les transports en commun du Hainaut n'est pas terminée. À Charleroi, les dépôts sont bloqués par les pneus et aucun bus n'est sorti ce matin. À Mons, l'un bus sur 5 roule. À la Louvière, c'est 8 bus sur 10. Et puis quelques perturbations sont encore à noter à tourner du côté de Moucron. Ailleurs, tout fonctionne normalement. Le ministre des Finances, Yann Van Oversveld, s'est envolé hier pour New York avec pour mission de promouvoir la Belgique auprès des investisseurs, de mettre Bruxelles sur la carte comme centre financier et redorer l'image du pays. Il débutera sa visite par une rencontre aujourd'hui avec des entrepreneurs belges établis à New York.

turn up, that's all I won't do. Drink up more, drink two. Repeat like it's deja vu. Stay lit, that's so hot, got a wonderful view. I stay so fly, I flew. Yeah, baby, no lie, that's true. Yeah, baby, I'm cool like, woo. Damn, baby, I'm cool like, woo. Yeah. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, the boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, the boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl. Sur Fun Radio, merci de commencer la journée avec nous. C'est Evan, c'est la tribu du son Dance Floor. Vous réveillez tel que vous êtes chaque matin avec côté son Imani à suivre. Il y aura du Benny Benassi, du Chris Brown et surtout Lloyd va vous faire découvrir dans un instant en exclusivité le tout nouveau Alan Walker. Il y a déjà plus d'un million de vues sur YouTube et c'est comme ça qu'il va commencer son émission. Bonjour mon Lloyd. Salut Evan. Oh, ta voix encore est encore plus mature que vendredi, j'ai l'impression. Ouais, tu l'as bossé tout ce week-end. Non, j'ai justement pas parlé du week-end. Et c'est pour ça, les cordes vocales sont quasi vierges ce matin. Hein, elles sont quasi intactes. Je repars sur une nouvelle semaine vierge de cordes vocales. Non mais c'est bien, ça c'est bien. Lloyd, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Fais partager un petit peu ta vie privée avec les auditeurs. Ah oui, fais nous rêver. Alors, je me suis, j'ai chouchouté mon écureuil. C'est pas sorti. Non, il fait peur. Hein. Dis-leur tout, Lloyd. Il fait ses nuits. Il a dormi à 20h hier soir. Il s'est réveillé ce matin vers 7h30. Il a ramené toute la paille de sa cage dans sa maison. voilà. Et Lloyd ne dit pas aux auditeurs qu'il a dû courir après son écureuil parce qu'il était foutu le camp de la cage. En fait, j'ai voulu changer sa cage samedi. Et évidemment, premier jour, je suis pas encore très habitué à tout ça et l'écureuil est parti en fait. Il est parti. Ça court vite un écureuil, il me semble en plus. Hein. Ouais, c'est impossible à attraper. Impossible. Mais comment tu faisais? Tu disais bébé viens là, reviens au pied. Non, justement, plus je disais ça, moins il venait. Mais non, avec une casquette en fait, j'ai réussi à l'attraper. Ah ça va, c'est un écureuil stylé, hein, il a mis la casquette sur le côté, tranquille, à la version Booba, ça a duré comme une heure et demie. Hein. Je pense que ta femme, elle a bien dû se foutre de ta gueule quand même. Non, elle était occupée avec moi. On était à deux, j'aurais voulu voir la scène de Lloyd en train de courir et quand après on a son écureuil avec sa femme. Dans la cage, c'était une délivrance, comme si on avait accompli une réussite de couple ensemble, c'était vraiment un élément de notre vie énorme. Du coup, vous avez fait l'amour devant l'écureuil. Non, il est encore tout petit. C'est bien, il faut le préserver. Bon, après cette séquence Écureuil and Fun sur Fun Radio, les aventures de Lloyd et de son écureuil, ça sera tous les jours aux alentours d'ailleurs, de 9h10. Evan, j'ai placé une caméra au-dessus. Donc on va pouvoir suivre en fait ce qu'il fait toute la journée. Ah c'est génial. Fais partager. Fais du périscope. Fais du périscope avec ton écureuil. Sans déconner, quand ça la va caméra marcher. Sera opérationnelle, je mettrai sur internet le lien. Ah très bien. On va suivre l'écureuil. Tiens, petite musique de Koh-Lanta. J'ai l'impression que Lloyd a fait Koh-Lanta avec son écureuil ce week-end. Et la musique de Koh-Lanta, ça va nous permettre également d'appeler quelqu'un pour sélectionner l'un ou l'une d'entre vous qui a répondu, je l'espère correctement, à la question de Justine, qui était laquelle? Quelle est la vitesse maximale de l'overboard? Alors, à votre avis, il y avait trois propositions. Ouais. Quelles sont-elles? Rappelle-les-nous pendant que ça sonne. C'était soit 15, soit 50, soit 70 km/h. Lloyd, il a aussi un écureuil et un overboard. Il faut mettre l'écureuil sur l'overboard. Ah oui, dis. C'est très drôle. Hein. Ça peut être drôle. Alors, ce matin, on est tombé sur un répondeur il y a une heure. Oh là là là là là là, les oreilles. Oh là là là là là là. Bonjour, quel est ton prénom? Marco, Julien. Très bien, Julien, j'ai l'impression que tu avais oublié ton prénom l'espace d'un instant. On va faire très vite parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Pas de soucis, mais tu avais raison de répondre. Julien, quelle est la réponse à la question du jour? 15 km/h. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Ouais. Alors, Julien, écoute-moi attentivement. L'overboard, il est quasiment gagné puisque tu participeras à la finale de vendredi avec trois autres auditeurs qui seront sélectionnés les jours prochains. Et c'est peut-être toi qui repartiras avec cet overboard vendredi pour pouvoir t'amuser avec 15 km/h. Effectivement, c'est pas 70, même s'il y en a qui ont répondu 70. Bravo à toi, Julien. Ah bah c'est génial, merci beaucoup. Raccroche pas, je te repasse Yolande en antenne. Vous savez que ça me fait marrer parce que de penser que les gens ont répondu 70, c'est-à-dire qu'un mec en overboard à 70 km/h quand même, c'est prise de risque maximale. Je crois que le maximum c'est 15 km/h, il y en a pas qui vont au-dessus, hein. C'est pas possible. Non, je pense pas. Non, c'est 15-20. Le tien il va à combien, Lloyd? Le mien il va à 50. Bah, je sais pas, je l'ai vendu à Sandro donc. Et moi je l'ai vendu à son écureuil donc je sais pas. Bon, les doudous, avant d'écouter dans un instant en exclusivité sur Fun Radio le dernier titre d'Alan Walker, le dernier son là qui vient de sortir, déjà plus d'un million de vues sur YouTube. On va rappeler où est le petit déj gratos jusqu'à 10h aujourd'hui. On est à Anderlu, vous allez chausser de Mons au numéro 310C. C'est la boulangerie Thirion et Marisa vous offre un pain au chocolat ou un croissant par personne. L'adresse est bien sûr sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu, comme toutes nos conneries, les vidéos, le jeu de l'actu qu'on a fait ce matin, Evan et la Tribu, pour le Snapchat également. On sera là demain, toutes et tous, à partir de 6h. Passez toutes et tous une excellente journée. Et c'est avec Lloyd qu'elle continue maintenant. Bisous tout le monde. Gros bisous Evan, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Benny Benassi, Chris Brown dans un instant. Et voici Alan Walker, Sing Me To Sleep sur Fun. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Radio. Fun Radio. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know cuatro. You want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock. So yeah. R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me.

Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You never buy my love. You buy me this and you buy me that. To win over and be over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to notice, yeah.